Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue une nouvelle fois dans l'Estamineur Nerd, votre rendez-vous de société, de techno et de culture pop. Et oui, vous le savez maintenant, non ? Je m'appelle Matt, vous le savez aussi, je suis ravi de vous accueillir dans notre établissement une nouvelle fois. Et nos piliers de bar ce soir sont, encore une fois, Monsieur V pour Valentin. Salut Val. Hey, salut. Qu'est-ce que je vous sers, mon petit Valentin ? Je vais partir sur du soft, là, je crois, un petit truc sans alcool, tranquille. Mais t'as pas l'air en forme. Non, ça va, tranquille. Monsieur Chris 2, bonsoir Chris 2. Salut Matt. Qu'est-ce que je te sers ? Écoute, moi je vais prendre un petit verre de peinture, parce que je suis en plein travaux à la maison. Donc si t'as un petit verre de Dulux Valentine Matt, couleur un peu, tu vois, rouge glamour, j'aime beaucoup cette couleur de peinture. Rouge glamour, non. Ça existe, j'ai peint la porte de ma bibliothèque de cette couleur, c'est un rouge un peu bordeaux, un peu, c'est très sympathique. Est-ce que ces efforts de décoration, on pourra les voir dans le décor des prochaines vidéos de Comics Race par exemple ? Peut-être, qui sait ? Qui sait ce qui peut se passer. Ça dépend si le papier peint retombe du mur ou pas. Voilà. Quel teasing. Et le meilleur pour la fin, vous allez voir, c'est sa soirée ce soir, c'est Mister Yanda. Salut Yanda. Salut, ouais, salut les gens, ouais. Salut Internet. Qu'est-ce que je te sers, mon petit Yanda? Eh bien, écoute, on va commencer doucement, un petit truc gentil, un bon verre de rhum. Et comment tu comptes régler tout ça, mon petit Yanda? Parce que tu commences à avoir une sacrée ardoise chez nous. C'est vrai. Alors, je te propose éventuellement de régler cela comme le veut la tendance avec une bonne crypto-monnaie des familles, par exemple. Je sais pas quelle crypto tu acceptes. Qu'est-ce que c'est, cette saloperie? C'est le futur, monsieur, pour Valentin. Alors, c'est non, le futur. Moi, en fait, j'entends parler de crypto-monnaie depuis quelques années, un peu comme tout le monde, j'imagine. À chaque fois qu'on m'explique le truc, je comprends à moitié. J'ai l'impression de comprendre à moitié et systématiquement, dans les 5 minutes qui suivent, j'ai déjà tout oublié comment que ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les blockchains, les trucs. Ce que je vous propose, comme c'est bien vendu, hein, de dire bon bah c'est un sujet compliqué, on va se le faire en deuxième partie de podcast et on va commencer avec un truc plus simple, histoire de pas faire fuir les gens. Donc voilà, vous savez que d'ici une petite heure, on vous explique tout sur, parce que Yanda visiblement a compris ce que c'est que la crypto-monnaie. Moi, je suis plutôt comme Valentin, donc on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre tout ça. Eh bien, je suis chaud. Val, ça va ? Oui, ça va. Ton araignée, ça va ? Ça va, là, elle est dans le... Elle est toujours dans l'aspirateur ? Ouais, toujours dans l'aspirateur qui est sous ma chaudière, voilà, dans mon appartement duquel j'ai déménagé depuis, du coup. là, je suis à l'hôtel actuellement, voilà, et il doit y avoir tout un tas d'araignées maintenant dans mon appartement, ce qui fait que je n'y refoutrai plus jamais les pieds, voilà. Les araignées, c'est un peu ta phobie ? C'est... même carrément beaucoup, oui, tout à fait. J'avais le mot tout à l'heure, mais c'est pas rationnel, hein, comme toutes les phobies, c'est irrationnel, et donc je vois une araignée, je me fige, ou alors je pars en courant. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer cette histoire ? C'est un après-midi, tu découvres une araignée dans un coin de ta maison. Et du coup, elle te semble grosse. Ouais. Et pour la faire disparaître, tu as mis une sorte d'armure complète et t'allais te battre avec elle, quoi. En fait, mon frangin, ça s'est passé il y a quelques jours, hein, et donc vous avez pu en être témoin. On était aux premières loges. On a vu le film. Hein. On a vu la Zack Snyder's Valentine's Fight, quoi. C'était abominable. Non, mon frère était chez moi quelques jours, et puis on a vu sur le balcon, puisqu'il faisait chaud, on se mettait un peu sur le balcon, et puis on a vu une ou deux araignées passer par-ci par-là. Globalement, ça me fait pas plaisir, mais je suis pas non plus complètement je suis pas dans un degré d'arachnophobie extrême, on va dire, mais quand même assez virulent. Mais bon, bref, je faisais abstraction de ces 8 papates reliées à un système nerveux et j'essayais de penser à autre chose. Et puis mon frangin en a écrasé une et juste avant de partir, il me fait tu te rappelles l'araignée qu'on a vue sur le balcon hier soir? Je fais ouais, celle qui s'est barrée vers l'extérieur. Il fait non, elle s'est pas du tout barrée vers l'extérieur. Là, elle est juste sur ton mur là, tout en haut derrière toi. Je me retourne. Allez, au revoir. Voilà, et il me fait, juste avant de me retourner, il me fait par contre, celle-là, je suis pas arachnophobe, mais j'irai pas l'écraser. Je fais d'accord, donc effectivement je me retourne et là je vois c'était un chat, hein, en tout cas ça avait la taille d'un chat. un titan, un kraken. Exactement, un kraken, c'est exactement ça, qui était au-dessus de mon meuble, à côté donc de la porte qui mène à mon balcon. Donc cette gentille petite bestiole a dû trouver qu'il faisait plus frais chez moi et donc s'est réfugié là quoi. Et elle était un peu dans ce qu'on appelle un angle en fait. Elle était à la jonction de deux murs et d'un morceau de plafond. Non, justement, juste d'un mur et de. Elle était même pas dans un coin, c'est ça qui était particulier. Elle était. Mais à la jonction de mon mur et du plafond. Bref. Mon frère se barre et me laisse tout seul avec cette saloperie. Et du coup. Du coup, c'était Blair Witch. Ouais, c'est un peu ça. Ce qu'on a vu, c'était le projet Blair Witch, vraiment. J'aurais voulu ne pas m'en occuper, mais en même temps, si tu t'en occupes pas, il y a de grandes chances pour que. Elle s'en aille. Et si elle s'en va, mais que tu sais qu'elle est chez toi, mais que tu sais pas où elle est, c'est pire. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça pire. Donc, il fallait que je m'en occupe. D'autant qu'elle peut se reproduire, en plus. Si tu la laisses, elle peut se dupliquer. Rentrer dans ta bouche quand tu dors. Oui, c'est ça, pondre des œufs dans ton estomac. voilà. Et moi, j'entends dire qu'elles peuvent s'agglomérer avec des objets. Si tu leur laisses une fourchette, elles peuvent fusionner. Une sorte d'araignée en métal ou ce genre de choses. Ouais, c'est fort probable. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop prendre de risques et je me suis dit, je vais m'en occuper. J'ai pas envie de l'écraser pour plein de raisons, parce que j'aime pas faire souffrir les animaux, et que surtout, si je me loupe, il y a de grandes chances pour que, mettons, que je l'écrase avec un balai, qu'elle saute sur le balai, qu'elle remonte le manche, et que par esprit de vengeance, saute sur mon bras. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où tu dis il y a de grandes chances, on tombe effectivement dans le domaine de l'irrationnel, parce que genre, les araignées qui sautent pour essayer de t'égorger, ça n'existe pas en fait. T'as pas vu Spider-Man, une araignée, oui, ça justement, saute, hein. Voilà, c'est ce que je dis, on est plus dans le rationnel. Du coup, je me suis dit, la solution la plus simple, c'est l'aspirateur, parce que comme ça, il y a le feu d'air. C'est le lance-flamme. Exactement, voilà, c'est ça. Sauf que, en fait, vraiment, vous vous rendez pas compte, chers auditeurs, j'exagère pas, en fait, elle était vraiment très très grosse, elle était vraiment énorme, c'était une énorme bestiole. Elle avait un prénom, c'était pour vous dire le niveau de volume, elle avait un prénom. C'est ça, c'était vraiment un gros gros truc, et bref, du coup, pour éviter ce genre d'attaque de la bébête, sachant que je sais très bien qu'il y a peu de chances que ça arrive, mais mon cerveau reptilien me criait « Non, Valentin, protège-toi au maximum !» J'ai mis des gants de cuisine que j'avais, enfin c'était des gants jetables en fait, que j'avais chez moi. Il faisait très chaud, mais j'ai quand même mis un pull avec une capuche, comme ça je pouvais serrer la capuche, ce qui permettait d'avoir très très peu d'espace de chair à nu, hein, j'ai envie de dire. Donc des gants, le pull avec la capuche, le pantalon. Je portais un short puisqu'il faisait chaud. Du coup, par-dessus le short, j'ai mis un pantalon. J'ai pas enlevé le short avant. Parce qu'en fait, si je voulais enlever le short, ça me mettait plus de temps de l'enlever dans ma chambre et donc de ne plus voir l'araignée et donc qu'elle s'en aille. Donc il fallait que j'aille au plus vite en fait. Donc du coup, j'ai mis mon pantalon. Bref, j'étais couvert des pieds à la tête. Il y avait juste mon visage qui dépassait. Un bout. Et je me suis muni de mon aspirateur. Et en fait, je n'ai jamais pu approcher le tuyau de l'aspirateur. Alors que pourtant, il était moins long que dans mon souvenir, mais il y avait un bon mètre de tuyau et je pouvais pas. J'étais figé. Hein. J'étais vraiment figé à chaque fois que j'approchais ce tube de la bébête. Et je me rends compte que c'est très con puisque. Là, en vous le disant, je me dis, mais ça se reproduirait, là, je le ferais. Et pourtant, je suis sûr qu'en fait, je me bloquerais juste avant de pouvoir passer à l'acte. C'était terrible. Si bien que, en fait, j'ai demandé à des potes de faire le déplacement pour s'occuper de la bestiole. Sachant qu'en fait, il était plus ou moins prévu qu'il vienne chez moi, donc c'était pas. Il a appelé Billy l'exterminateur. Non, attention, mais par contre. Ce ragondin est extrêmement dangereux. Il va nous poser un piège. Tu fais super bien la voix. Non, mais pour le coup, c'était un pote et une pote qui sont venus, et les deux flippaient aussi, alors qu'ils sont pas spécialement arachnophobes. Mais le truc était vraiment très très gros. Et le pire, c'est qu'au premier coup d'aspirateur, elle n'est jamais partie dedans. C'est-à-dire que vraiment l'embout était sur l'araignée qui est restée 5 secondes à aspirer et en retirant, elle était toujours accrochée au plafond. ce qui m'a mis dans une terreur absolument incroyable, où je me suis dit non, mais là c'est bon, là ça y est, elle m'a vu. Elle va partir avec le mur, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça a été compliqué. Au deuxième passage, c'est bon, elle est partie dedans. On a mis l'aspirateur sous la chaudière, on a fermé le placard et je n'ai pas rouvert le placard depuis. Donc ça fait 3 semaines que j'ai pas passé l'aspirateur chez moi. Voilà. Et que j'ai pas envie de vider mon aspirateur, surtout parce que peut-être qu'elle est pas morte, j'en sais rien. C'est justement terrible. Elle est là pour nous ce soir, l'araignée de Valentin. Ouais, elle va applaudir de ses 8 pattes. Elle se nourrit de poussière dans l'aspirateur depuis 3 semaines. Mais c'est ce que je me dis. Non, mais franchement, ouais, c'est pas agréable. Surtout que j'ai remarqué que ma porte ne fait pas une jonction exacte avec le sol, et donc du coup, il y a un espace pour qu'elle puisse passer si jamais elle ressort par le tuyau de l'aspirateur. Oh putain. Voilà, aidez-moi par pitié. Après, tu sais que je me mets un peu à ta place parce que je suis aussi légèrement arachnophobe, c'est-à-dire que en fait, il y a un gabarit d'araignée. Voilà, bah c'est pareil. À partir du moment où on franchit le gabarit, je passe de la chaussure pour l'écraser au fusil à pompe. Il y a pas d'entre-deux en fait. C'est pareil. Arrivé à un moment, je ne peux plus. On va me donner un truc, un journal. Eh, vas-y, écrase-la. Ouais, bah, vas-y, va l'écraser toi et laisse-moi tranquille. C'est pas possible. Et c'est exactement ça. Et ça me rappelle une anecdote. Alors maintenant un petit peu moins parce que j'ai des enfants et que je ne peux décemment pas passer pour une baltringue, tu vois. Si mes enfants viennent me voir et me disent, eh, papa, il y a une araignée, je vais bah, démerde-toi, tu vois. C'est ça la vie, mon grand. Hein, mange-la. Voilà, c'est ça. Donc maintenant un petit peu moins, j'essaie de prendre sur moi et de faire le mec, voilà. Non, ça va, j'ai pas peur. Je l'éclate et puis après je mais une fois que mes enfants sont partis, mais ça me rappelle une anecdote un peu plus jeune. J'étais avec deux potes à moi. On était en soirée à ce moment-là sur la côte landaise près d'Ossegor, si vous connaissez un petit peu cette station balnéaire estivale assez charmante. On était chez un pote et du coup on part faire la soirée en centre-ville, machin, on fait la soirée très très bien. On rentre et donc on dormait tous les trois dans une pièce où il y avait 3 lits qu'on avait chacun répartis avant de partir en soirée, pas de problème. On rentre, donc on était... pas morceau, mais on était de bonne humeur, on va dire. Je rappelle... Toutes les anecdotes commencent comme ça. Ouais. C'est vrai. Merde. T'étais pas au point de gueuler dans la rue tout seul contre des gens qui n'existent pas. Non, là c'était l'été, c'était okay. La bonne ambiance, c'était beaucoup plus Et là il a eu un accident de voiture avec une araignée. Il s'est rendu compte qu'il lui avait vendu un canapé c'est avant. C'est ça, et on a jeté un canapé à la gueule. Je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer avec modération, c'est important. Ou passer par les liens affiliés que vous trouverez toujours en commentaire de ce podcast, bien évidemment. Toujours, c'est important. Mais du coup, on rentre de soirée et en fait, on rentre dans la pièce qui était donc, en fait, dans la pénombre, on va dire. Voilà. Et je me jette sur le lit, je me laisse tomber en fait en arrière, voilà, en mode je m'affale, quoi. Et là, mon pote. Allume la lumière, le dernier à rentrer dans la pièce allume la lumière et je m'en souviens, mais alors comme si c'était hier, je lève la tête, donc j'étais allongé, et je lève la tête et je vois, mais vraiment à, alors j'ai 20 cm, mais j'ai pas du tout le rapport de la mesure à ce moment-là, mais en tout cas très proche, une araignée. Deux gabarits assez, comment dire, de façon gentille, extraordinaire, immonde. Et là, j'ai comme fait celle un qu'il bond. Y a sur le mur derrière toi en ce c'est moment. C'est ça, exactement. Okay. Ouais, celle qui est dans ton aspirateur également. C'est à peu près le même gabarit. Et du coup, je fais un bond. Je dis « Ah, putain !» Je me relève et sauf que là, l'araignée est vivace. Ah, tu vois? Et disparaît du champ de vision de tout le monde. Et donc là, mes potes disent, c'est putain. Bon, on va dormir. J'ai dit, c'est mort, personne ne dort. Moi, en tout cas, je ne dors pas tant qu'on n'a pas trouvé cette araignée. On a dû chercher, je pense, une demi-heure. On ne l'a pas trouvée, bien évidemment, puisque voilà. Mes potes en avaient marre de chercher. Au bout d'un moment, on se dit, vas-y, tu casses les couilles, on veut dormir. J'ai dit, non, moi, je ne dors pas, c'est mort. Et donc, ça a fini. C'est assez ridicule de raconter ça, mais c'est pas grave, j'assume, que en fait, j'ai déplacé le matelas du lit sur lequel je devais dormir pour le caler entre les deux lits de mes potes, de façon à faire, en fait, à me m'emmurer entre mes potes et le fond du mur, en me disant, voilà, comme ça, au moins, je suis safe. Si elle arrive par un des deux côtés, elle passera sur un de mes deux potes, donc elle le réveillera d'abord. Et j'ai juste à veiller au fond, ce qui est tout à fait irrationnel aussi, parce qu'elle pouvait passer n'importe où, je veux dire, une araignée, l'épaisseur d'un matelas contre le mur, ça l'a fait rigoler. Donc, et voilà, mais et j'ai réussi à trouver le sommeil. En plus, c'est ça, le pire, c'est qu'elle rigole, ces saloperies, en plus. Saleté, ouais. Donc voilà, donc je compatis. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, même si je ne suis pas encore complètement guéri de cette arachnophobie qui est une plaie. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver littéralement figé et incapable d'exploser ces merdes. Qui pourtant sont très utiles, hein, puisqu'elles mangent des... Mais oui, c'est ça le pire, c'est qu'on ne peut même pas leur en vouloir. Elles sont juste moches. Ouais. Et sachez d'ailleurs que mon expérience avec l'araignée a été filmée, que j'en ferai peut-être un truc un jour. Et on pourrait croire que je joue, mais vraiment je ne joue pas, je n'exagère rien dans cette vidéo-là. Il y a un moment, je ne peux plus avancer. Voilà, bref, peut-être à suivre un jour. Alors qui ne suis pas du tout arachnophobe, effectivement, je suis toujours épaté par le côté irrationnel de votre phobie, quoi. Parce que, en fait, vous imaginez des trucs. Alors, c'est pas pour faire le mec, mais j'ai pas vraiment de phobie. Tu vois, je me trouve pas de véritable phobie. Alors, aucune avec les animaux, ni les serpents, les trucs classiques, genre serpent, araignée. Après, je suis pas un débile, tu vois. Genre, si tu mets avec un ours ou un tigre dans une cage, forcément, c'est je flippe. Phobie, ça. Oui, mais voilà. c'est plutôt de la rationalité. C'est de la survie, ouais. Tu te dis que, oui, c'est comme le vertige, tu vois. Je suis pas spécialement sujet au vertige. Maintenant, j'irai pas marcher sur les mains à 200 mètres de haut, tu vois. Enfin, c'est plus de la logique. Mais, si ce n'est peut-être parfois des excès de prudence, parce que je suis quelqu'un, effectivement, comme je le disais, un peu avec les microbes, tout ça, tu vois, je suis un peu prudent, mais j'ai pas de phobie non plus, je vais pas me désinfecter les mains toutes les 3 minutes ou avoir peur spécialement d'un animal. Et du coup, ce côté irrationnel me fascine toujours un peu, parce que j'entends que, par exemple, j'ai pas envie de me faire mordre par une araignée, mais quand je vois une araignée, je m'imagine pas qu'elle pourrait, par exemple, prendre de l'élan, sauter en visant une partie bien spécifique de mon corps, tu vois, et ensuite sortir un iPad. Voilà, dans la bouche. Faire un roundhouse kick, sortir un couteau, me menacer, me détrousser, tu vois, je me dis non, ça n'arrivera pas. Et du coup, ouais, je sais pas d'où vient, je comprends tout à fait, attention, je me moque pas, même si c'est rigolo après quand on en parle et quand on débriefe le truc. Mais je me moque pas du tout des gens qui ont des phobies, parce que je comprends justement qu'on puisse avoir une peur irrationnelle de quelque chose. Mais ce qui me fascine, c'est l'irrationalité, ce qu'elle génère en fait comme idée complètement, irrationnelle du coup, enfin, surréaliste. Où tu vas t'imaginer des trucs de fou, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est pas parce qu'il y a une araignée dans la pièce qu'elle va fomenter un plan pour te tuer, quoi. J'ai connu quelqu'un qui avait la phobie des sous-marins. Voilà. Donc, mais pareil. Ça t'arrive moins souvent, en général, de croiser un sous-marin dans ton salon. Voilà. C'est dur de pas se moquer, mais effectivement, comme toi, Chris, je me moque pas parce que. Il y a des phobies alimentaires. Je sais qu'il y a apparemment la phobie du beurre, tu vois, des produits gras et tout, c'est assez courant. Alors, c'est pareil, je sais pas d'où ça peut venir. Mais il y a des gens qui ont des phobies alimentaires. Une vraie phobie. Eh ben, visible. Tu vois une plaquette de beurre, tu pars en courant. Peut-être pas à ce point-là, mais ils passent pas dans la rayure des magasins, tu sais. c'est des gens qui sont mal à l'aise au contact de certains aliments, en fait. Ah, c'est ouf. Visuel. Alors, je connais aussi les néophobies alimentaires, notamment chez les enfants. Parce que c'est le cas pour mon fils qui souffre de ce qu'on appelle de néophobie alimentaire, c'est-à-dire qu'il a énormément de mal, et aujourd'hui encore qu'il a 9 ans, il a énormément de mal à goûter de nouvelles choses. Et en fait, alors il y a eu, pas de diagnostic, enfin s'il y a un diagnostic qui a été posé dessus, il a été pendant très longtemps allergique aux protéines de lait de vache. Et depuis la naissance, et à la naissance, ça le rendait vraiment malade, mais genre malade sale. Et du coup, le médecin et l'allergologue qui l'avait suivi nous avaient expliqué que ça avait engendré en fait un espèce de blocage inconscient. Oh la vache, qui fait une une espèce. C'est ça, une espèce, pardon, excusez-moi. Une espèce, bah oui, évidemment. Excusez-moi. Matt, la phobie Capello. Des fautes de grammaire. Ouais, c'est ça, le grammar-nazisme. et du coup, le... Alors aujourd'hui il l'est parce que c'est revenu, mais pendant un moment il n'était plus allergique aux protéines de lait de vache, et du coup il avait en gros feu vert pour goûter absolument tout, et il ne pouvait pas. Aujourd'hui encore il a une liste établie de choses qu'il mange, mais c'est ça en va jusqu'à de façon légèrement caricaturale la psychorigidité, quoi. C'est-à-dire qu'il va avoir par exemple des gâteaux sans gluten, sans lait, machin, etc., mais qui sont des gâteaux à la vanille tout simples, mais ce sont ceux-là. C'est-à-dire que si tu vas lui trouver une autre marque, d'une autre forme, mais qui sont, en termes d'ingrédients, tout à fait aussi correspondants, il ne le goûtera pas. Et on est tous passés par les conseils de Tata René et du médecin de 50 balais qui te dit c'est bon, vous lui foutez ça dans la bouche et puis ça passera, et de toute façon, s'il a vraiment faim, il mangera. Et bien, en fait, non. mais c'en est arrivé à des trucs que il a eu, par exemple, une fois, goûté un demi-petit pois. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'envergure du truc. Un mini-pois. voilà, manger en sandwich avec du pain. Il mange du pain. Et donc, il a mangé ce demi-petit pois avec un morceau de pain. Ça l'a rendu malade. Mais voilà. Non. Ah oui, si. Il savait ouais. Il savait que c'était dedans ou ouais, voilà, oui, c'est oui, ça. Il savait que c'était dedans. Ouais, il savait que c'était dedans. Puisque tu savais... T'as fait l'expérience sans lui dire? Alors, en fait, on a eu fait, pas sur le petit pois, on l'a eu fait sur certains trucs, et ça le rend plus malade maintenant. Au début, on le faisait pas. Maintenant, quand il est un peu plus grand, on a eu testé quelques filouteries. Il reconnaît qu'il y a un goût différent, et du coup, voilà, on lui dit après. Donc, il s'énerve et il est pas content. Mais ça, on l'a pas fait beaucoup, parce que, voilà, on part du principe que c'est pas la peine de lui mitonner. Mais c'est bien psychologique, du coup, quoi. C'est complètement psychologique. Parce que même, tu vois, en termes d'allergie et tout, en dehors du lait de vache, il n'a pas d'autres allergies. Voilà, typiquement, légumes verts et tout, il pourrait en manger. Et au contraire, ce serait bien. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Et après, je pense que l'arachnophobie, pour y revenir, il y a aussi... alors, d'une part, il y a toutes les légendes urbaines qui doivent jouer. Je sais que, moi, la légende urbaine de « au cours de votre vie, vous avalez entre 7 et 8 araignées parce qu'elles vous les bouffez pendant votre sommeil ». Oui, dans le chocolat aussi, il y a des... Ça m'a travaillé pendant très longtemps. Parce que je me disais, putain, mais ouais, mais voilà, mais c'est affreux. Alors que non, hein, chers auditeurs, chères auditrices, c'est faux. Et aussi, il y a un truc, alors qui, moi, je trouve, n'est pas une bonne idée. On m'avait dit, il y a longtemps déjà, ouais, mais si tu veux surmonter ta phobie, il tu faut l'affronter. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, ça. L'affronter puissance 1000. C'est-à-dire que moi, j'étais arachnophobe, et du coup, on m'a fait regarder le film, c'est Arachnophobie ou Arachnophobia. C'est une mauvaise idée, hein. C'est une très mauvaise idée. Ce film m'a parfaitement traumatisé, puisqu'on était sur un film à base d'araignées mortelles, et les mecs se faisaient piquer, genre le mec arrive pour se coucher le soir, il a ses vieilles tatanes, il les pose au pied du lit, l'araignée va se foutre dans le chausson, le matin il se lève, il met son pied, il fait et hop, il se fait piquer, puis en fait une heure après il crève, enfin voilà, c'est horrible, horrible, je suis ressorti de ce film, j'étais encore plus traumatisé, donc... Affronter sa phobie, pourquoi pas, mais dans une certaine mesure. Hein, n'allez pas non plus risquer le diable. Ouais, moi j'ai tenté d'affronter ma phobie. Alors quelle est-elle ? Alors moi je soupçonne un truc. Alors sincèrement, parce que tu nous l'as pas clairement dit, je crois, mais la dernière fois qu'Yanda, dans le dernier numéro, a parlé de son grand-père qui s'était coupé le doigt, tu t'avais pas l'air de oui, te sentir vrai. Très tu bien. Oui, c'est vrai, mollo les détails. Hein. Voilà, et je. Alors c'est quoi ? Est-ce que c'est la phobie du sang ? Non, alors non, pas du tout. Ah, non, j'aime la pas, phobie des grands-pères. La phobie des grands-pères de Yanda. Bizarre, très bizarre. Grand-pérophobie. Non, non, j'ai pas de phobie de ça. Après, j'aime pas trop, voilà, aller voir la viande des gens, les morceaux de peau qui sont ouverts, tout ça, ça me. Non, mais après, là, voilà, même sans tomber dans la phobie. Passion, après, c'est une question de logique. Personne n'aime voir ça. Mais tu vois, c'est pas de la bah, phobie. Moi, j'aime bien. Oui, enfin, tu vois, je suis. Même si ça te dérange pas, t'es pas fan de ce genre de truc en général. J'aimais bien Cite Rotten à l'époque. Je veux dire, c'était. Aux prémices des internets, c'était un site fabuleux. Tu parles de quoi ? Le site Rotten. Tu te souviens pas de ouais, Rotten ? Si, si, si. Tu te souviens pas de Rotten ? Ah bah dis donc, ça... J'y suis pas allé une fois, j'ai dû faire juste pour voir, j'ai fait oula. Quel est dans ce site alors ? Parce que vous ne voulez ça, pas que je parle de mes phobies. C'était une compilation, on va dire, d'images toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Alors il y avait notamment dans ce que je me souviens avoir vu, il y avait des images des photographies de police sur des scènes de crime. Donc voilà, des images assez explicites. Donc des gens bien rotten quoi pour le coup. Ouais, exactement. Ouais. Rotten de l'anglais pourri et on est effectivement sur des trucs comme ça quoi. Truc en Russie, je crois, d'un mec qui s'était fait griller sur des fils électriques et donc du coup voilà le en attendant qu'ils aillent décrocher le corps, bah il y avait eu quelques photos de prise qui s'étaient retrouvées sur le site. Enfin voilà des trucs de ce genre-là. Mais revenons-en à votre phobie, mon cher Matt. Eh oui, parce que vous avez peur des grosses bestioles. Mais moi, c'est plutôt les petites, parce que j'ai fait classique et je suis plutôt branché serpent, tu vois, en termes de phobie. D'accord. Et alors autant les gros, ça me fait pas plus peur que ça. En fait, c'est le venin, tu vois, qui m'inquiète. Mais étant donné que les deux plus réputés en France et ceux qu'on va croiser le plus souvent, ce sont les couleuvres et vipères. Les vipères. Bon, après, on va te dire, ouais, non, mais attends, la vipère, elle a la pupille fendue, et puis la couleuvre, elle a la pupille ronde. Donc, c'est vrai que tu regardes, et puis tu vois rapidement si... Alors, c'est vrai que quand moi, je vois une bestiole, je dis, petit peu... Oh, non, celle-là, elle est dangereuse, en fait. Et, Et j'ai eu la chance et le privilège d'être élevé assez longtemps à la campagne avec une baraque de mes grands-parents dans laquelle on revenait souvent et sur lequel il y avait un peu de terrain. Et du coup, bah, qui dit campagne dit animaux. Et donc, bah, il y avait évidemment des prédateurs et quelques spécimens de vipères et puis quelques spécimens de couleuvres. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion, petit, de marcher sur un bâton qui s'est mis à bouger, par exemple, et qui s'est comme ça sous ta botte. Tu vois ? Voilà, je suis vraiment, vraiment pas bien par rapport à ça. Et en fait, je l'ai appris plus tard, mais quand j'étais vraiment tout petit, mon père, visiblement, avait un terrarium avec ses saloperies à l'intérieur. Et il n'est pas impossible que, j'en ai pas de souvenir conscient, mais je me dis que ça vient sûrement de là. J'ai dû me faire peur avec les bestioles, tu vois, en venant taper au carreau, par exemple, un truc comme ça. Et c'est vraiment le naturel, en fait, qui me fait peur. C'est-à-dire que quand je vais, genre, dans une sorte de zoo où ils sont derrière une vitre et tout, tu vois, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant. Tu vas chez Animalis, bon, comme tout le monde, t'as rien à foutre le dimanche, tu vas chez Animalis, tu vas voir les animaux, c'est moins cher que le zoo, tout ça, puis bon, tu peux acheter des croquettes pour ton chat, c'est cool. Ça me dérange pas d'aller voir un peu les petites bestioles qui sont là, quoi. Et vous disiez, faut confronter sa peur, alors, lors d'un voyage. En Amérique, vous ai-je dit que je suis allé au States. Du coup, je me suis retrouvé à Boston pour Halloween. Je vous parle de ça, c'était au XXe siècle, évidemment. Et du coup, il y avait dans cette sorte de maison hantée, tu fais tout le parcours qui fait peur, et puis après, il y a une salle un peu conviviale où t'as des trucs, t'as un mec déguisé en Bigfoot, un mec habillé en vampire, et puis t'as la charmeuse de serpent. Et oui, et elle se balade avec, alors c'est peut-être un python, un truc comme ça, mais bref, albinos, un gros serpent comme ça qui est sur elle et tout, et tu peux aller toucher la bestiole, ce genre de choses. Et je me dis, bon, allez, je vais pas mourir idiot, la bestiole, elle est tenue par quelqu'un, je sais que c'est pas venimeux, je vais aller voir quand même quelle sensation ça fait, quoi. On parle du serpent, donc, hein. Oui, oui. Je m'approche doucement. Oui, parce que ouais, ça marche pas sinon. Je m'approche doucement, je tends ma main vers l'animal, vers la bestiole susnommée, et au moment où ma main s'approche, je suis dans le dos de la meuf, et donc la tête du serpent est de l'autre côté, et au moment où ma main s'approche de la bestiole, coucou, la tête de la bestiole fait demi-tour, et elle vient me fixer, tu sais, avec ses petits yeux tout rouges de serpent albinos comme ça. Mais vite, parce que ça va pas vite, si. Bah, ça a dû sentir qu'il y avait un truc qui s'approchait, oh, et tu vois, je pense que tu dois avoir des phéromones d'angoisse à ce moment-là. Et ouais, les animaux sentent quand t'as peur aussi, hein. Donc, souvent, ça, par exemple, tu vois, moi, j'ai un pote qui a peur des chats. Il est pas trop rassuré par les chats. Et du coup, quand j'ai des potes qui viennent à la maison et qui fait partie du lot, eh ben, mon chat va spécialement le voir lui. Parce que, évidemment, il a peur des chats, et donc, elle doit le sentir, et elle se dit, tiens, je vais le faire chier. Tu vois, parce que quand tu vois quelqu'un a peur d'un truc, des fois, tu t'as envie de le titiller un peu avec ça. Donc, je pense que les animaux sont pareils. S'ils sentent que t'as peur, ça les intéresse, tu vois. Voilà. Et ben donc, ça l'a bien intéressé. et moi qui voulais... T'es parti en courant, du coup, je suis pas parti en courant parce que, bon, bah, j'étais ado, puis il y avait du monde. Hein, donc, comme Yanda face à ses enfants, voilà, tu vois. C'est ça. Mais ouais, j'étais pas bien, quoi. J'ai un petit coup de chaud, quoi. Mm. Et putain, la dernière fois, c'est... Il y a une grande... j'habite au Mans, et à côté du Mans, il y a un truc qui s'appelle l'Arche de la Nature, et qui, en fait, est un nom pompeux, puis c'est juste une grande forêt. Et au milieu de cette grande forêt, il y a un espace privilégié pour la reproduction de nos amis les vipères. Voilà, il y a une sorte de couveuse à vipères comme ça où tu te balades, et en fait elle est plutôt en lisière de chemin, donc après tu peux te balader pépouze, t'es en bord de ce truc là et tout, donc tant que tu le sais pas, ça va. Puis quand t'es un mec comme moi et que tu commences à le savoir, ça va moins bien, quoi. Et puis quand tu le sais et que tu fais pas attention, c'est bon, mais quand avec la poussette du petit tu roules sur un de ces serpents qui se met à bouger là, avec le truc, putain, j'étais pas bien, je finis toute, je dis non mais on rentre là, c'est pas possible. Ah non, attends, il fait beau et tout, on se balade. Putain, j'ai passé les 2 heures de balade, mon gars, laisse tomber, quoi. Je devais avoir une cascade dans le dos. C'était plus une sueur froide, quoi. C'était les chutes du Niagara, c'était impossible. Ah, avec les genoux qui tremblent et tout, l'enfer. Voilà, petite phobinette classique. Non, sinon, j'ai plutôt peur de la douleur. Je sais pas, j'ai peur avant d'avoir mal. Tu vois, le tatouage, par exemple, j'en fais, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, me dire que je vais avoir mal, ça me tétanise un peu, quoi. Puis après, comme Chris, j'ai un peu peur de mourir seul, mais c'est autre chose, c'est personnel, quoi. Non, pour le coup, alors, tu vois, pas du tout. C'est marrant parce que je sais que c'est une peur que les gens ont beaucoup. Et moi, on fera un sujet sur la mort un jour. Non, Parce que quand on prépare ce truc sur les phobies, je dis oui, j'ai la phobie de mourir seul. Et tu dis oui, ça m'inspire une vanne, je la garde pour le podcast. Alors que c'est pas vrai. Du coup, je redis ça alors que c'est pas vrai pour avoir la vanne que tu me tises depuis 15 jours. Et j'ai pas la vanne. C'est un scandale. C'est vrai, j'ai dit qu'il y avait une vanne là-dessus. Ben, reprends l'historique de la conversation. Oh, j'en sais rien. En même temps, c'est vrai, je me souviens. Oui, mais c'est logique, en fait. C'est vrai qu'en fait, mourir seul, tu meurs généralement seul, à moins de mourir soit dans un suicide collectif de secte, ou genre dans un attentat. Mais autrement, c'est obligé que tu meurs seul. En général, tu meurs pas, t'emmènes pas des gens avec toi quand tu meurs. Tu peux mourir d'une crise cardiaque au moment de l'orgasme, pendant un coït. Oui, mais du coup, tu vas quand même mourir seul, dans le sens où tu es le seul à mourir à cet instant-là. Ouais, alors, si les deux meurent en même temps, ça rend pas de chance. Non, mais tu peux mourir dans quelqu'un, tu vois, c'est quand même formidable. Non, mais l'idée de mourir seul, c'est de mourir isolé. Tu peux mourir avec quelqu'un à côté de toi qui te tient la main, mettons. Ouais. Là, tu meurs pas seul. Tu peux aussi mourir entouré de gens qui n'ont rien à battre. Merci, premier degré, je pense que votre travail ici est terminé. Ça va, c'est bon, putain. Ça se trouve, tu peux aussi mourir entouré de gens qui attendent l'héritage, et du coup, c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est genre, ah ça y est, il est enfin claqué, putain. Vas-y, sors les papiers de la banque. Tu meurs assis sur une place de bus de quelqu'un qui veut ta place et qui en plus gueule du coup parce que bah tu vas rester là longtemps quoi. Dans un cas comme ça, les gens qui attendent l'héritage, ça serait trop trop drôle de faire une feinte en fait. Tu meurs, tu fermes. Ah, allez, et tu attends et quand tu vois que ça commence, c'est bon, il est. Ouais, vas-y, allez, c'est. Et là, tu te réveilles. Putain, mais. Ah, bande d'enculé, je le savais. Il y a un film comme ça. Où il meurt 15 fois, le mec. Je sais pas, dans le début d'Is No Good avec Michael Youn, c'est un peu ce truc-là, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais le sultan fait semblant de mourir. Le calife fait semblant de mourir. Je pensais plutôt à un truc genre y a-t-il un pilote dans l'avion ou Scary Movie ou un truc comme ça. Il y a un truc où le mec meurt comme ça, en fait, il meurt pas et ils finissent par le finir avec un coussin parce que ça fait 3 fois qu'on croit qu'il est mort, qu'on pleure et qu'en fait, il est pas mort. Ah oui, ça me dit quelque chose, mais oui. Dites-le nous dans les commentaires hein, si vous avez la référence de ce film qui nous revient pas. Et on en parlera dans le prochain épisode, qui sera un très bon épisode le prochain. J'ai oublié de vous le dire, le dernier épisode qu'on a fait, le 8, était excellent. J'étais très fier de cet épisode. Celui-là va être un peu moisi parce qu'on peut pas être bon à chaque fois. Et le prochain sera extraordinaire. Le prochain sera extraordinaire parce que le prochain épisode, c'est notre 10e épisode. Et nous aurons un 5e larron. Nous aurons un guest, un invité mystère. Ah bon ? Voilà. Et comme il est mystérieux, on peut pas dire qui c'est. On peut pas dire que ce sera François Hollande. Et tu sais qu'en plus, la vanne des commentaires, maintenant que le podcast est dispo en replay vidéo via la page Facebook de Estaminerd, qu'il faut que vous suiviez si jamais c'est pas encore le cas, c'est plus vraiment une vanne en fait. Maintenant, les gens peuvent laisser des commentaires sur le. Ouais, parce qu'on pouvait pas avant sur le site estaminerd.fr laisser non, un commentaire. C'est pas prévu. Alors qu'en suivant le podcast sur iTunes, ça on pouvait. C'est vrai, on peut laisser des commentaires sur iTunes. Ah bah oui, tu mets 5 étoiles et puis tu dis j'aime beaucoup l'intervention de Mr. Yanda dans l'épisode 7, par exemple. Et puis tu te régales quoi, t'es content. C'est vraiment des gens bien chez Apple. C'est vraiment des gens bien. En plus, tu vois, c'est faire une bonne action et je pense que ça peut corriger un peu ton karma. Par exemple, t'as pas été très sympa avec la vieille dame au magasin, tu mets 5 étoiles sur les stamineurs sur ta plateforme de podcast préférée et ça permet de redorer un peu ton blason face à l'éternité, hein, face à la fameuse vie après la mort. Et c'est important. C'était quoi les bails du coup de la peur de la mort ou je sais pas quoi, parce que pendant que vous parliez de ça et que vous êtes parti sur une vanne et que je l'ai prise au premier degré parce que j'écoutais pas, j'écoutais pas parce que j'étais en train de chercher des infos sur un jeu qui s'appelle Deadly Creatures qui est sorti sur Wii en 2009 et où tu incarnes un scorpion et une araignée, voilà. Bon, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ce jeu existe. Ça m'intriguait, je voulais y jouer, mais vu qu'on doit jouer une araignée, ben, j'ai jamais sauté le pas. Donc, et c'est pour je tuer des pas. Gens Mais c'est l'histoire a l'air très chouette. Hein ? C'est un jeu où il faut tuer des gens ? Non, en fait, c'est ça qui a l'air intéressant, c'est que t'as une enquête, il se passe, il y a une explosion dans une station-service, un truc comme ça, et en fait, t'as un flashback où tu es du point de vue de l'araignée et du scorpion, et en fait, pendant que tu vas jouer et accomplir tes objectifs, en fait, tu vas voir en tâche de fond les humains autour de toi faire des trucs, et tu dois résoudre une enquête ou impacter sur l'enquête en cours, enfin après, du coup, je sais pas trop, mais le fait d'être l'araignée et le scorpion va débloquer une affaire au niveau des humains et ça a l'air assez cool en vrai, mais j'irai jamais jouer à ce truc là. Scorpion ça me dérange pas trop, araignée par contre je n'irai pas, mais du coup c'était quoi cette histoire de la peur de la mort, je sais pas quoi là. Moi je me dis, imagine le mec qui a la phobie des plombiers, il a jamais pu jouer à Mario. C'est triste. Ça a rien à voir. Et il vit avec les pieds dans l'eau depuis 20 ans. Parce qu'il a jamais fait réparer son putain d'évacuation de dévier quoi. Non, je disais dans la peur de la mort, ouais, non, c'est une peur que beaucoup de gens ont. Et moi personnellement, j'ai totalement accepté ce fait que bah oui, un jour tu meurs quoi. Enfin, il n'y a pas le choix en fait. C'est pas tant la mort, c'est de me dire que j'arrive pas à concevoir l'après. Parce que La vie sans moi, tu te dis, ouais, comment je pourrais vivre sans Chris? Ouais, ben je comprends bien, tout le monde pense un peu comme ça, mais. Je suis convaincu qu'il y a rien après la mort, que c'est le néant, mais je n'arrive pas à concevoir le fait de ne plus penser ou de ne juste pas exister, en fait. Et du coup, c'est assez vertigineux. Et c'est ça un peu me... égocentrique, surtout. Complètement. Ah oui, bah, en même temps, je ne suis sûr que d'une chose, c'est que j'existe. Hein, donc, forcément, si j'arrête et d'exister... Et encore, en es-tu vraiment sûr, Néo? En l'occurrence, Néo, il existe, c'est sa perception qui est... Ben voilà, c'est ça, tout à fait. Ah, écoute, commence pas à briser un peu mes blagues, là, c'est bon. J'ai un truc rigolo avec la matrice, tout ça. J'ai référence un peu cinématographique de Geek, et voilà, le mec casse tout, quoi. C'est qu'on aurait pu partir sur un truc un peu méta avec ces histoires de perception, de savoir si on existe et tout, mais en fait non, moi je vais vous raconter comment je sais que... Mais en fait non. C'était bien. C'était très bien. Moi je suis assez convaincu qu'il n'y a rien après la mort, et cette expérience d'arrêter de penser, alors je vais terminer ma phrase et tout le monde va vanner, cette expérience d'arrêter de penser, elle m'est déjà arrivée. Voilà. En fait, on s'est retenu pour toi. J'attends la suite, ouais, parce que je... D'accord. Mort cérébrale, tu es mort ? Non, j'ai eu une sorte c'est de... Avant ou après de démonter le démontage du convecteur de la salle de bain ? Ah oui, J'ai oublié de vous raconter une partie de cette soirée-là, aussi. Mais ça devient difficile à suivre, on est dans un... Là, il y a des digressions de oui, digressions, ça devient là. Très très compliqué. Ouais, ouais. Quand j'étais au collège, j'avais trouvé un truc, comment tu peux bloquer ta respiration pour devenir tout rouge, comme si t'étais en train de t'étouffer, tu vois, pour de vrai, comme ça, c'est rigolo. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vas-y. Et t'as jamais vu les épisodes des chiens? Si, où en oui, fait, oui, les mecs oui, oui. ferment leur chemise, ouais. Ils deviennent tout rouge et ils rouvrent leur chemise. Oui, oui. En fait, tu bloques ta respiration et tu pousses comme si tu voulais expirer le plus fort possible. Et en fait, ça marche, tu deviens tout rouge, quoi. Ouais. Mais sauf qu'en fait, si tu le fais trop souvent... Tu deviens tout bleu. Régulièrement, de façon consécutive. Par exemple, parce que ça fait rire tout le monde et que tous tes potes te disent « Ah, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. » Eh bien, tu finis par manquer d'oxygène et par t'auto-asphyxier. Voilà. Et du coup, je me suis auto-asphyxié et je suis tombé dans les pommes. Vite fait. Et en fait, je me suis relevé, j'ai fait d'autres trucs, et à un moment, je me suis mis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et en fait, j'ai fait d'autres trucs. Et du coup, j'ai vécu sans réfléchir, en étant privé de tout l'enregistrement en sensoriel. Quoi. Voilà. Du coup, cette période assez courte, hein, au demeurant, a existé, tu vois, cette période où ton cerveau n'enregistre plus rien et où du coup, bah, comment tu sais pas que techniquement, enfin, t'existes plus, quoi, puisque tu n'enregistres ben oui, rien, ben oui, que oui. Dire, puisque tu n'existes que par ta propre perception, perspective. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'était beau, hein. Oui, oui, mais l'idée, c'est que effectivement, la logique veut que tu t'en fous vu que tu ne t'en rends pas compte si tu n'existes plus. Mais c'est ça que j'arrive pas à appréhender et qui me terrifie. Alors que même quand on dort, on cesse pas de vivre et pourtant on se souvient pas de toute sa nuit, sauf de ses rêves. Et parfois, il y en a qui se souviennent même pas de ses rêves. Si t'avais des chats aussi cons que les miens qui se battent devant ta porte, tu te souviens bien de tes nuits. Ouais, voilà. Mais ouais, non, c'est quelque chose qui est trop vertigineux pour moi. Donc, on a commencé en disant les crypto-monnaies, c'est compliqué, on va pas en parler tout de suite. Et en fait, on est dans la perception de soi-même avec des concepts tout chelous, quoi. Ouais. Non, mais c'est bon, du coup, la blockchain, ça va passer easy. La crypto-monnaie, c'est bon. On va parler de comics avant. Ouais, ce que je vous disais, mon truc méta, mind blow total. Quand tu. On est tous d'accord que quand on voit un truc rouge, c'est rouge. On est aussi t'es daltonien. Voilà. C'est pas souvent le rouge, le daltonien. Mais bref, si on ouais, se met d'accord sur un truc. Bon. En fait, ce rouge, c'est une longueur d'onde interprétée par ton cerveau. Et donc, on peut dire que tous, on s'est mis d'accord parce qu'on a tous le même référentiel. On nous a montré cette couleur-là et on nous a dit ça s'appelle rouge. Mais à aucun moment, on est sûr qu'on voit la même chose. Décris une couleur, Matt. C'est quoi le rouge? Vas-y, explique-moi ce que c'est le rouge. On te l'a montré, c'est ça que je suis en train de te dire. Non, mais c'était une question, c'était ironique. Je sais que tu vas pas pouvoir le faire parce que personne peut le faire. Je complétais ce que tu disais, ok? Non, moi je peux le faire. T'as un problème là? Moi je peux le faire, quoi, mais j'ai pas envie. Du coup, ouais, c'est cette histoire de référentiel, quoi. On sait pas en fait si on est. Si on voit la même chose. Et c'est le début des problèmes. Parce qu'en fait, on est persuadé on est persuadé de tous avoir raison quand on s'engueule. Il y a personne c'est qui. C'est faux. Qui... T'as tort. Bah voilà. Ah, t'avais raison, hein, tu serais chiant. T'as dit que je serais mou ou chiant. Oui, ben là, exactement. Ouais, je suis chiant, là. Je suis chiant ce soir. Bon, du coup. Bon, tout ça pour dire qu'on voit pas tous le même rouge, ok? Qu'on perçoit pas les choses de la même façon. Et ce qui nous amène à parler de la prochaine vidéo de Mister Yanda, qui sera sur la BD New Frontier. Eh oui! Une des prochaines. Peut-être pas la prochaine, parce qu'il y en a une plus courte avant. Parce que ce projet de vidéo que j'ai avec New Frontier, c'est un projet assez conséquent. Et donc, il y aura peut-être une autre vidéo avant, que j'ai dans les cartons aussi, que j'aimerais pouvoir sortir. Plus courte, c'est quoi, tout aussi intéressante. C'est quoi New Frontier, c'est quoi? New Frontier, c'est un chef-d'œuvre, mon ami Valentin. Un chef-d'œuvre, et je pèse mes mots. C'est une bande dessinée de type comic book, écrit et dessinée par le regretté Darwin Cook, sorti en 2004. C'est bien faire la cuisine. Ah ouais, ok, d'accord. On part donc sur ce type de bail. Pas de problème, c'est bon. Je prends la main. Donc, juste, il y a un bail qui dit que à chaque fois qu'on parle de Darwin Cook, tout le monde dit le regretté Darwin Cook. C'est comme docteur. Non, mais il peut être mort et s'appeler juste Darwin Cook, tu vois, ça pose pas de. Bah, regretté parce que je trouve, moi, à titre personnel, qu'un artiste comme lui manque aujourd'hui à l'industrie du comic book. On ne dit pas le regretter Adolf Hitler, par exemple. Alors, certains le disent dans certaines communautés. Dans et de plus en plus. C'est vrai que ça revient à la mode. Voilà, ça revient à la mode. Mais bon, voilà, c'est autre chose. Personne ne le dit dans ce podcast, en tout cas. Non, absolument pas. Également. Ah non, non. Mais ouais, donc c'est vrai que j'ai tendance à le référer. Tout comme je dis le regretter Michael Turner, parce que... Ah, il est mort c'est pas... Oh, non, en vrai, je ne savais Michael pas. Michael Turner est mort, oui. T'es sérieux? On parle du dessinateur de comics. Oui. Oui, c'est celui qui a fait Phazo, mais les débuts de Witchblade. Et c'est ça. Ben non, vraiment, je savais pas qu'il était mort. Ouais. Et avant Darwin Cook, même de mémoire. Oui, ça fait assez longtemps. Ça fait un bon 10 ans. Bah écoutez, voilà. Va le fact-checker pendant comme ça. Yanda pourrait essayer d'en placer une pendant ce temps-là. Du coup, New Frontier, c'est le gros projet solo de Darwin Cook qui est sorti en 2004. Et qui en fait a fait suite à un one shot qu'il avait sorti chez DC sur Batman, qui s'appelle Ego. Et du coup, bah, suite à ce one shot qui a eu un très bon accueil du public, DC est venu le voir et lui a dit hey, tu voudrais, s'il te plaît, faire un truc sur la Justice League, ça serait cool, on aimerait bien. Et lui a réfléchi, parce que bah, du coup, ça le bottait bien de bosser sur la Justice League, mais il voulait pas faire n'importe quoi. Et il a choisi de se placer en termes d'histoire, de raconter en fait les origines de la Justice League, c'est-à-dire comment la Justice League originelle, donc de la fin des années 50, s'est formée, pourquoi elle s'est formée, parce que après avoir potassé un petit peu, il y avait plein d'histoires sur l'équipe de la Justice League en tant que telle, sur les différents héros en solo, mais pas sur la formation de l'équipe à la fin des années 50. Donc du coup, il s'est placé à cet endroit-là, et il a eu, ce que je trouve, moi, toute l'intelligence de, en fait, faire un mix entre le réel de cette époque et son histoire. Donc, on a une vraie fusion, on va dire, entre les événements réels de, à partir... Alors, le récit, en gros, se base, commence au milieu des années 50, donc lorsque Barry Allen, le Flash de Barry Allen, obtient ses pouvoirs, et va jusqu'au tout début des années 60 avec la formation de la Justice League qui est donc parue à la fin des années 50. Et l'épilogue de The New Frontier, c'est le discours de John Fitzgerald Kennedy, le New Frontier, puisque c'est un discours de John Fitzgerald Kennedy qu'il a prononcé lors de son investiture pour le Parti démocrate au tout début des années 60. Donc ça se passe là et ça raconte la transition entre l'âge d'or et l'âge d'argent et la naissance et l'émergence de la Justice League, voilà, sur le pourquoi, le comment, au travers de tous ces différents persos. Il a utilisé énormément de personnages de l'univers DC, pas que les personnages principaux, il y a plein de, de vieux persos obscurs qu'il ramène. Moisi, non, mais très peu utilisé alors, encore plus au début des années 2000, qui était complètement tombé dans l'oubli. Et il les amène et il les utilise de façon très intelligente dans son récit, donc c'est très très chouette. C'est des persos qui se croisent pas, ou très peu. Très peu, ouais. Et c'est une histoire dans laquelle il se passe pas grand chose. C'est plutôt un portrait de la société américaine qu'un vrai récit d'aventure. Ça je suis d'accord, que c'est effectivement un portrait de la vie américaine et du citoyen américain à l'époque. Jusqu'à dire qu'il se passe pas grand chose, je suis pas vraiment d'accord, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on spoil un peu ou pas? Ou on essaye de pas? Bah, on vaudrait mieux essayer de pas, mais... D'accord, très bien. Bah, surtout que les gens attendent ta vidéo pour se faire spoiler comme des bâtards. C'est vrai. Quel intérêt de regarder une vidéo de Mister Yonda si t'es spoilé dès le podcast? C'est vrai. Merde. Ah ben, j'en parle pas, alors voilà, j'arrête. Non, mais... En termes d'action pure et dure, non, parce que le récit est une longue montée jusqu'à le dernier acte. Qu'il a effectivement part dans grosse bagarre, etc. Mais c'est aussi le procédé et le principe des histoires de l'époque, c'est-à-dire que t'as une grande montée en puissance du récit et forcément de l'action jusqu'à arriver à la scène finale, ou en tout cas l'acte final de grosse bagarre et de résolution, quoi, avec tout ce que ça amène derrière. Il fait 500 pages, le bordel. Ouais. Il n'y a pas 500 pages de récit, parce que c'est... C'est une grosse montée, hein. Oui, mais parce qu'il y a plein de choses à mettre en place aussi. Il y a énormément de choses. Quand tu suis le récit principalement au travers du personnage de Martian Manhunter et de Hal Jordan, en grande majorité. C'est eux qui occupent le plus gros prisme du livre, notamment Hal Jordan, parce que Darwin Cook est ultra fan de Hal Jordan. Mais typiquement, quand le livre commence, Hal Jordan, c'est juste Hal Jordan, et le livre termine, il est Green Lantern. Mais il ne devient Green Lantern réellement et à proprement parler que dans le dernier tiers. Ouais, bien tassé. Parce que il va être. Alors moi, j'ai pas du tout aimé la partie sur Hal Jordan et j'ai trouvé ça très long et assez pénible à suivre. Dans le sens où on va suivre le personnage lui tout seul, il finit par récupérer sa bague, mais ça change rien. Il s'en sert pas, il devient pas Green Lantern parce qu'on lui a dit non mais attends, attends un peu. Et on va venir t'aider à t'en servir. Et donc le mec attend qu'on vienne l'aider à s'en servir. Et il finit par y aller en fait, et ça marche. Et bref, moi je me suis un peu ennuyé en lisant ce bouquin. Et pour moi, ça m'a fait la même. En fait, tu parlais de New Frontier et tu avais l'air extrêmement enthousiaste concernant ce bouquin. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et ça m'a fait la même chose avec New Frontier que quand Chris parle de Watchmen. C'est-à-dire que quand il en parle et quand vous parlez de ces bouquins-là, ça a l'air hyper intéressant, il se passe plein de trucs, c'est hyper riche, c'est tout ça. Mais d'abord, c'est pas faut venir avec le bagage culturel, tu vois, que en l'occurrence, j'ai pas partout pour tout piger à ces trucs-là. Et en plus, est-ce que l'histoire peut pas être un peu intéressante? Est-ce qu'on peut pas avoir une histoire intéressante et un message intéressant? Je prends pas de plaisir à les lire. Autant vous en parler, je trouve ça ouais putain, c'est audacieux et tout, c'est riche. Mais je sais pas. Et tu vois, sur le personnage de Hal Jordan, typiquement, Hal Jordan, et encore plus de la façon dont Darwin Cook le présente dans New Frontier, Hal Jordan, de base, il a le postulat de base du héros et du personnage que tout le monde a envie d'être, et notamment à cette époque-là. C'est-à-dire, le mec, il est pilote d'essai, il a grave la classe, il est beau gosse, il est relativement sûr de lui jusqu'à un événement qui va se passer et qui va déclencher ce traumatisme. Donc, de base, c'est un personnage déjà que t'as envie et qui est cool. Et en plus de ça, alors le traumatisme qu'il va avoir, c'est relativement au début du bouquin. Hal Jordan est un personnage pacifiste et non violent. Ça va spoiler! Ça va spoiler, mais très légèrement. Il se refuse à tuer. Et bon, pour un pilote de chasse qui se retrouve impliqué dans la guerre de Corée, c'est compliqué, mais il arrive à mener toute la guerre de Corée sans tuer personne. Sauf que, accidentellement, alors que la guerre vient d'annoncer avoir touché à sa fin, il va tuer quelqu'un. Et en fait, ça va le traumatiser tout le long du bouquin. Et donc, je trouve que, tu vois, à l'inverse de beaucoup de héros où le traumatisme, c'est l'élément déclencheur pour devenir un héros et après un super-héros. Chez Hal Jordan dans New Frontier, en fait, c'est l'inverse. Le traumatisme, c'est ce qui va en fait l'empêcher de devenir un héros. Et il attend, quand il récupère l'anneau, effectivement, il a la consigne de dire « Ouais, on va venir t'expliquer ce qu'il fait ». Et il est encore surtout dans ce traumatisme de « Non, il peut pas, en fait. Il peut pas parce qu'il mérite pas, parce que toute la réflexion qu'il va amener tout au long du truc. » Et c'est d'autant plus long, et ça appuie d'autant plus ce traumatisme et cette difficulté pour lui de se dire « Allez, ok, go, quoi. » Jusqu'à ce qu'il ait ce déclic qui le fait sortir et qui, après, effectivement, arrive à la fin, mais lui fait prendre l'envol qui doit avoir. Et je trouve que c'était vachement bien, déjà, de le caler comme ça, parce que historiquement, ça correspond en termes de date, etc. Donc, c'est raccord avec la réalité. Mais en plus de ça, de prendre ce contre-pied d'un personnage hyper cool, qui a des origines hyper cool, qui a une histoire hyper cool, qui a un personnage super-héroïque hyper cool, eh ben, tu viens lui coller un traumatisme qui fait que, bah, au lieu de déclencher chez lui cette naissance super-héroïque, ça va être ce qui va le bloquer, en fait. Et je trouve ça très cool. Voilà, mais ça n'est que mon point de vue et ça n'engage que moi, bien évidemment. Visiblement, ça n'engage personne. J'ai perdu tout le monde, d'accord. Non, moi, je l'ai lu aussi. Excusez-moi, pardon. Donc, Michael Turner est né en 1971 et décédé en 2008 à Santa Monica. Voilà, donc effectivement, nous pouvons dire que c'est bien le regretté Michael Turner. Pardon, j'ai dû descendre aux archives, ça a été un peu long. On parlait de quoi ? Ça fait effectivement quelques années. New Frontier, je l'ai lu aussi. Je serais quand même assez d'accord avec l'humble monsieur Yanda. Pourquoi je dis l'humble? J'allais pas dire le regretté monsieur Yanda, lui il est vivant. Bon. Parce que je le suis. Je trouve, non mais je trouve, vous êtes, voilà, de charmante compagnie. Effectivement, c'est marrant, de charmante compagnie, c'est pas du tout le sens que je donne à cette expression. Non, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, écoutez, peu importe, j'aurais pas dû mettre d'adjectif en fait. Je suis d'accord avec Yanda. Parce que c'est un récit extrêmement dense, extrêmement référencé, puisqu'il faut connaître un peu l'histoire américaine. En l'occurrence, je suis pas du tout hyper calé en histoire américaine, à part, tu vois, l'assassinat de JFK et les trucs comme ça, c'est qu'on connaît tous à travers les films. Après, genre la guerre de Corée ou les différents moments de l'histoire de l'Amérique, vraiment au sens social, etc. Je les connais pas tous, en tout cas. Donc il y a plein de trucs auxquels je peux pas forcément me raccrocher, et ça mérite en tout cas sûrement, c'est le genre de gros bouquin qui mérite à tous les coups au moins deux lectures pour pouvoir en fait... Si je te jure, en fait pouvoir te renseigner entre les deux, tu vois, sur des trucs que t'as vu dedans et que t'as pas forcément dans ton bagage de connaissances, comme tu disais. Et ensuite relire et te dire « Ah ok, il va aborder tel ou tel sujet, parce qu'au même moment aux États-Unis il y avait tel ou tel truc. » Et effectivement, ouais, c'est super intéressant, mais en même temps, ça peut être super lourd si t'as envie de lire un truc assez facile, assez divertissant et tout. C'est pas du tout ce que je conseillerais aux gens, parce que, et pourtant le style de Darwin Cook est un peu trompeur, parce que c'est un style un peu cartoonesque, un peu frais et tout. Et du coup, en termes d'écriture, en termes de déroulé et de contenu, c'est assez dense et lourd, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, c'est pas super facile à appréhender, parce qu'il faut être un peu calé en histoire des États-Unis, un peu calé en histoire des comics aussi. Et puis, voilà, il y a plein de choses. Moi, je l'ai lu, et pour être franc, je vois qu'il y a la moitié des trucs à côté desquels je suis complètement passé. Donc, c'est pas forcément hyper accessible comme lecture, tu vois, c'est vraiment un gros pavé qui fait kiffer les fans de comics et les gens qui ont peut-être un petit peu de connaissance de l'histoire de l'Amérique, mais autrement, si genre t'as jamais lu de comics, que tu veux découvrir la Justice League et qu'on te met ça dans les mains, ça me paraît un peu lourd, mais c'est pas foncièrement un défaut, hein, c'est juste que voilà, c'est réservé à un public qui a déjà un bon bagage de lecteurs de comics derrière lui, je pense, et du coup c'est... Ça peut aussi refroidir quelqu'un qui vient chercher du divertissement et de l'action, et alors qu'on est effectivement dans un truc un peu introspectif sur l'Amérique, quoi. Comment l'Amérique voit ses héros au fil du temps, comment l'Amérique se construit autour de ses héros et aussi sans ses héros, du coup d'ailleurs parfois. Donc il y a plein de thèmes vachement intéressants qui sont abordés, mais c'est pas divertissant. Ça t'ouvre plein de trucs, mais c'est pas divertissant, ouais. C'est là le problème, c'est est-ce que tu peux pas... pourquoi il faut dissocier le fond et la forme? Est-ce que tu peux pas avoir quelque chose pour, dans lequel le fond est dense, mais dans lequel la forme serait accessible ou divertissante ou ce genre de choses, quoi? Enfin, est-ce qu'on peut pas lire une BD intelligente sans avoir l'impression de se taper un bouquin universitaire, en fait? Je sais pas, c'est difficile. Après, t'as aussi le parti pris. Oui, je suis difficile, mais je suis un connard. Aujourd'hui, c'est moi le connard. T'as le parti pris de l'histoire et de la structure narrative, on va dire. Là, c'est vraiment, c'est aussi assez, assez propre aux constructions de récits un peu épiques, on va dire, entre guillemets, de l'époque. Et c'est aussi pour contrebalancer avec tout ce qui sortait en termes de récits au début des années 2000, où on est en plein dans l'explosion du sombre et du grumpy et des trucs adultes et les héros torturés. La volonté de Cook avec New Frontier aussi, c'est non pas de faire à manger Valentin, mais de vraiment refaire une histoire où les héros sont juste des héros et ne se remettent pas en question. Il n'y a pas du tout de déconstruction du mythe de super-héros que tu peux avoir comme tu as par exemple dans Watchmen ou dans d'autres titres. Là, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur les héros qui vont faire le bon choix au moment, qui vont agir en tant que héros sans se poser la question parce que c'est dans leur nature profonde. Et cette structure est hyper riche parce qu'après, elle fait aussi intervenir énormément de personnages parce qu'elle fait un pont entre deux générations. Et que ça se veut en tant que tel. Et je pense que c'est compliqué, effectivement, d'arriver à avoir une histoire légère sans que ça soit péjoratif, tout en ayant un fond ultra riche. C'est un peu compliqué. Après, la structure narrative et le rythme, effectivement, ça va pas plaire à tout le monde. Parce qu'il faut accepter qu'il y ait beaucoup d'expositions pour que ça s'accélère très vite à la fin et que t'aies une grosse envolée à la fin. Mais voilà, t'as quand même trois quarts d'exposition et d'éléments qui, bah, du coup, font le parallèle avec les réels ou des clins d'œil à la pop culture. Si t'as les refs, c'est cool. Si tu les as pas, effectivement, ça devient beaucoup plus long. Je peux tout à fait l'entendre. Moi, je trouve que ce bouquin, je l'ai payé un peu cher pour qu'il m'explique à quel point je suis con. Mais non, mais non. Non. Et en revanche, la construction de Martian Manhunter, je l'ai trouvée hyper intéressante. Bah oui. Il est perdu sur Terre et il est élevé par la télé, quoi. Ouais, en gros. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Non mais la télé des années 50 était safe. Ça va alors. Je ne crois pas si bien dire, Valentin. Je t'invite à lire New Frontier puisque je ne vais pas spoiler. Mais j'aimerais beaucoup le lire. Ouais. Mais non, c'est complètement ça et c'est hyper bien parce que ça joue sur des thématiques sociales d'exclusion et d'identité sociale à proprement parler, qui sont très bien retranscrites par le biais du personnage de Martian Manhunter. A.K.A. John Jones, mais il y a plein de choses très chouettes avec Hal Jordan. Et j'aime beaucoup aussi, et j'aime énormément le très court au final passage par rapport à l'ensemble de l'œuvre sur la balade de John Henry, que je trouve génial avec le Ku Klux Klan. C'est quelque chose de tragique du coup. Ça s'appuie en fait sur une véritable histoire, légende, folklore américain, le personnage de John Henry. Et la façon dont Darwin Cook l'intègre au récit New Frontier, avec les inspirations que ça va engendrer derrière sur les personnages, et en plus de ça, de le rattacher au Ku Klux Klan, j'ai trouvé ça hyper intelligent et hyper bien. Et c'est très très chouette. Imagine un martien d'aujourd'hui, il est élevé par les tendances YouTube. Forcément, ça tourne mal, j'ai envie de te dire. C'est obligé. Ça prank. La quatrième va vous étonner. C'est surtout qu'il fait du... Quand il regarde la télé et que du coup, il se nourrit un petit peu et qu'il s'adapte, il fait du... Du mimétisme. Et il se transforme et il prend les apparences des persos qu'il voit. Donc effectivement, s'il devait se transformer en ce qu'il verrait aujourd'hui à la télé, ça pourrait être un peu problématique. N'est-ce pas, Baba? Il aurait du botox partout, évidemment. Bon, du coup, Valentin, j'en ai un à vendre à New Frontier. Volontiers, je te le rachète. Non, mais c'est bien parce que c'est un récit qui est en avance sur son temps. Il est déjà estampillé Black Label quand il sort en France, alors que c'est un truc qui est sorti il y a 15 ans. Et que le Black Label, c'est tout neuf, c'est bien. Hein, le Black Label, c'est tout neuf outre-Atlantique. Mais c'est pas la même. Comment dire, limonade. Ah ouais, d'accord. Ne vous faites pas, s'il vous plaît, plus sot que vous n'êtes. Vous n'êtes en réalité. Je vous prie, Monsieur Chaud. C'est quoi le Black Label, Yanda? En France ou aux États-Unis? En France. Bah, on parle de la France. En France, ça a été présenté par Urban comme la collection qui va regrouper les classiques de l'univers DC. Donc c'est pour ça que tu as de droit à des rééditions de Batman année 1, de Batman Dark Knight Returns, si je ne dis pas de bêtises, de New Frontier, en Black Label. Mais aussi de récits beaucoup plus récents, comme Harleen de Stepan Sejic, etc. etc. Donc moi j'étais vraiment... persuadé, pour le coup j'apprends un truc, parce que j'étais persuadé qu'aux États-Unis, DC avait aussi réinjecté sous ce label-là des classiques, on va dire, qu'ils estimaient peut-être plus orientés, pas forcément adultes, mais enfin tu vois, peut-être récits complets, un peu sérieux, et un peu, etc. Et donc je pensais que c'était Urban l'avait replacé aussi dans cette collection-là, parce que DC l'avait fait aux US, et en fait non pas du tout, c'est vraiment une initiative de Urban, tu vois, ah. J'apprends un truc. Alors peut-être que DC Outre-Atlantique a réédité des titres aussi sous le Black Label pour agendrer, mais là, enfin... À ma connaissance, la volonté première de DC aux États-Unis, le Black Label, c'est d'avoir ce truc orienté adulte et liberté créative bullshit aux artistes donnés à faire ce qu'ils veulent sur les histoires. Mais en France, c'était pas réellement ça. En France, c'était vraiment d'avoir une collection. Voilà, en gros, les grands classiques incontournables, indispensables et du coup, c'est quand même pas de bol pour Urban d'avoir une collection qui s'appelle Black Label et qui n'est pas le Black Label. Ça leur est déjà arrivé. Une connexion d'ici Renaissance, c'est ça? Ouais, quand voilà, ils ont fait d'ici Renaissance et que c'était pas Rebirth, c'est quand même pas de bol. Ce sont des visionnaires, hein? D'accord. Ils étaient en avance avec d'ici Renaissance. C'est comme ça. Voilà. On n'y peut rien. Mais c'est bien. C'est bien. Je salue tout ça. C'est normalement notre moment de détente et donc on aurait pu avoir un quiz de Patrus Balkanus, hein, mais bon, il est en train de, à l'heure où on enregistre ce podcast, il est en train de twister sur la musique dans la salle de la musique. Exactement. Avec son pull rose, donc il a pas pu venir. Du coup, sans transition, on va enfin savoir ce qu'est la crypto-monnaie. On va enfin essayer de tout comprendre. Et alors là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de trucage. Visiblement, Yanda avait un peu compris ce que c'était. Valentin et moi, pas du tout. Et donc, on s'est dit, pop, pop, pop. On va garder ça pour le podcast et on va essayer de... Et Chris, lui, sait ce que c'est ou... Moi, je peux juste vous donner le lien vers mon Utip. c'est tout, voilà. J'ai pas de... Peu importe, je prends tout, moi. Je prends les tickets restaurants, je prends tout. Mais Utip, il n'y a pas de crypto-monnaie avec Utip. C'est du dollar sonnant et trébuchant. Moi, de ce que j'entends des crypto-monnaies, c'est que c'est un truc qu'il faut miner. Il faut miner dans des serveurs... avec une carte graphique. Avec une carte graphique, et tu peux même, si t'es un petit filou, faire miner d'autres ordinateurs à ta place pour miner on sait pas trop quoi, et que du coup t'as des bitcoins, et du coup après tu peux les échanger contre de l'argent, et comme le bitcoin, et bah, y en a, c'est un nombre fixe de bitcoins qu'on peut avoir, du coup, le bitcoin, la valeur elle a pris, et bah du coup un bitcoin ça coûte cher. Et en plus, la valeur elle est pas fixe, et donc aujourd'hui tu peux payer des trucs en unités de bitcoin qui vont te faire une valeur en euros par exemple. Un certain pourcentage d'un bitcoin va te permettre de payer 100 euros, mais étant donné que la valeur évolue toujours, bah, voilà. Ça se trouve tu vas donner genre un dixième de bitcoin pour donner une valeur, et en fait dans 15 jours il aurait suffi de donner un centième de bitcoin si t'avais bien miné, et donc on est perdu. Yanda, au secours. Ben après, alors c'est intéressant parce que il y a plein de d'infos différentes et de trucs que vous avez évoqués et parfois un petit peu mélangés. La blockchain. Donc ce que je vous propose, mes très chers amis, c'est d'essayer de vous expliquer effectivement ce que moi j'en ai compris et ce que j'en ai retenu. Tu peux faire la présentation plutôt à la façon Will Storm que à la façon Watchmen, New Frontier, tu vois? Okay. Moi, surtout, j'aurais savoir est-ce que la question va être vite répondue, parce que j'ai envie d'être riche rapidement. Voilà, ça dépend de toi. Hein, si t'as envie d'arrêter de demander de l'argent de poche à ta grand-mère, voilà. Écoute bien ce que je vais dire parce que nous sachons, d'accord? Ok. Donc, alors, on va pas aller. En fait, la crypto-monnaie et les différentes technologies sur lesquelles elle s'appuie. Au pluriel, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui de crypto-monnaies, c'est de la techno, c'est du tech et c'est du code majoritairement, et du logiciel et de l'algorithme. Il y a plusieurs notions qui viennent dedans. Il y a la cryptographie et différentes technologies. Pour faire un petit peu d'historique, il faut savoir que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui remonte au début des années 90, en pleine époque Wildstorm. Et ben en fait, il y a un groupe de gens haut placés qui se sont les Illuminati. Un petit peu les Cypherpunks, le Cypherpunk Movement. En fait, c'est des gens qui se sont en fait mis en relation par le biais d'une liste de diffusion et qui ont commencé à discuter de plein de trucs, d'informatique, cryptographie, philosophie, etc. Ils se sont mis en tout cas d'accord. Ils arrivaient à tomber d'accord sur un point, c'est que ça serait le monde irait quand même vachement mieux si notamment l'argent n'était plus géré par les gouvernements et par extension par des entités centralisées. Comme la banque centrale, etc., etc. Donc il y a eu oui, d'accord, c'est vraiment les Illuminati, d'accord. Un petit peu, ouais. Il y a eu des premières tentatives de lancement de crypto-monnaies fin des années 90, mais qui ont floppé. Alors j'ai pas les noms exacts. Vous m'en parlez. Pardonnez-moi. Alors attends. Oui. Moi il y a un truc que je pige pas. Oui. Tu dis qu'il y a eu des tentatives de lancement de crypto-monnaies. Ouais. C'est quoi une crypto-monnaie? À partir de quand est-ce que moi je vais avoir une ligne de texte et on va décider que ce truc-là a une valeur fiduciaire? Alors j'y arrive. J'y arrive, mon cher Matt. Non, mais tu dis, ils éditent de la crypto-monnaie, il faut bien qu'ils lui donnent une valeur de quelque chose. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur en tant que telle, en fait, c'est une valeur qui. La crypto-monnaie ne dépend. Que ça soit Bitcoin ou peu importe, hein, on va surtout parler du Bitcoin parce que c'est la plus ancienne et c'est la plus historique et c'est celle qui a tout lancé après derrière, mais en fait elle ne dépend d'aucun organisme. Et du coup, la valeur d'un Bitcoin en fait réagit au marché de l'offre et de la demande, c'est tout. Par contre, le Bitcoin, ça a été prévu et programmé comme ça, on a un nombre limité de Bitcoin qui seront en circulation, qui sont effectivement, comme l'a dit Valentin tout à l'heure, de 21 millions. Il n'y aura pas plus de 21 millions à terme de Bitcoin en circulation au travers des internets. Et là, on en est à combien? Alors, j'ai pas le nombre exact, on en est entre 18 et 19 millions. Ah, donc on arrive à la fin, quoi. Oui, alors, il faut savoir qu'en fait, les nouveaux bitcoins... J'ai trop de questions. Oui, moi aussi, c'est pareil, mais je me dis que je vais y répondre. Les nouveaux bitcoins sont générés lorsque le minage d'un bloc est réussi. Un fameux bloc de blockchain ou ça n'a rien à voir? Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Parce que la blockchain, pour le coup, Bref, vas-y, c'est continue. Pas, le minage d'un bloc est réussi, je comprends tous les mots, mais c'est une phrase qui veut rien dire. Exactement. Ouais. Ouais. Ben c'est, en fait, la blockchain, c'est la techno qui a principale sur laquelle s'appuie le Bitcoin. Ça a été lancé en même temps. C'est arrivé donc en 2009. Ça a été publié et lancé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Il faut savoir, pour la petite histoire, que Satoshi Nakamoto, personne ne sait aujourd'hui qui c'est, si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes. Il y a plein de légendes et de on-dit. on ne sait pas qui c'est, vraiment, littéralement. Alors, il y a des gens qui disent que ce sont deux personnes qui faisaient partie du Cypherpunk Movement, mais on ne sait pas exactement. Toujours est-il que ce Satoshi Nakamoto a sorti en 2009 un white paper, qui est donc le document officiel qui présente le Bitcoin, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Le Bitcoin, c'est un programme informatique dont le code est open source. Et la blockchain, c'est la même chose. C'est une base de données publique et open source. C'est-à-dire que si toi, Matt, aujourd'hui, tu as envie de rejoindre la blockchain et de faire partie de la blockchain en tant que nœud, tu as possibilité de récupérer la base de données de la blockchain. Voilà, c'est là où ça me perd, moi. Et d'en faire partie. En fait, attends. Faire partie de... Je comprends j'ai un, pas. J'ai un programme. Là, pour l'instant, j'ai un programme. Et j'ai une base de données. Ouais. Je comprends que ce truc peut avoir de la valeur parce que c'est l'offre et la demande, les gens peuvent en vouloir. Exactement. J'ai toujours pas compris ce que c'est que de miner, à quoi ça sert, pourquoi ça produit de la valeur, pourquoi on n'a pas balancé les 21 millions d'unités d'un seul coup, pourquoi il faut attendre pour qu'on libère des unités au fur et à mesure. Et j'ai pas compris pourquoi les gens voudraient en avoir. C'est-à-dire que moi, si j'en ai, je peux en vendre parce qu'il y a l'offre et la demande, mais pourquoi les gens voudraient m'acheter ça? Bah, c'est comme des actions après. Alors après, mais voilà. Des actions de quoi? C'est des actions sur rien. Une action, c'est une part de quelque chose, techniquement. Ouais, mais alors une part de quoi? C'est pareil. C'est la même chose. Enfin, tu vois, en fait, si boîte. Tu veux. Si je prends une action pour une boîte, je suis censé être éligible à taper un peu dans les bénéfices de la boîte à un moment, quoi. Ouais. Et ben si t'achètes un bitcoin, à un moment donné, si tu le revends, tu fais de l'oseille ou tu peux en perdre, de la même façon. Mais pourquoi les humains voudraient acheter ce truc-là? Parce que aujourd'hui, si t'as envie, par exemple, de faire un virement, enfin de passer de l'oseille à Valentin, t'es obligé de passer par ta banque. Et de dire, voilà, je voudrais envoyer 100 balles à Valentin. Et c'est la banque qui va se charger d'aller faire la transaction et d'enregistrer cette transaction et d'enlever tes 100 balles pour les faire passer après de façon numérique à Valentin. T'es obligé, pour n'importe quel mouvement d'argent que ce soit, de passer par un tiers de confiance, en l'occurrence la banque ou tout autre organisme. Le Bitcoin, c'est anonyme, en fait. Et alors, d'une part, c'est anonyme, mais c'est surtout que ça supprime, en fait, cet intermédiaire de confiance, parce que, en s'appuyant sur la technologie de la blockchain, en fait, la blockchain, c'est une base de données, mais qui est ce qu'on appelle décentralisée, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en peer-to-peer. C'est-à-dire qu'elle est, en fait, répartie, la base de données est répartie sur l'ensemble du réseau des utilisateurs, et auprès des utilisateurs. Ouais. Et elle fonctionne... Comme Imul. C'est du peer-to-peer. C'est du peer-to-peer. Et donc, en fait, la validation des transactions, elle est faite non pas par un organisme privé ou un organisme précis, mais par l'ensemble des utilisateurs. Et alors, maintenant, comment ça fonctionne, la blockchain? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de minage, de validation, etc., etc.? Et surtout, c'est une base de données de quoi? C'est ça que j'ai pas compris, en fait. Eh ben, en fait, la blockchain... De photos de chat. Ouais, c'est ça, exactement. Comme sur Internet, voilà. Alors, c'est Roten. J'y viendrai après, parce que je vais pas m'étaler, mais il y a une crypto-monnaie qui a lancé une plateforme avec des chats, justement, qui s'appelait CryptoKitties, et qui générait des trucs comme ça. Et ça a hyper bien marché, tellement que ça a fait exploser le truc. Mais bref, revenons-en à notre blockchain. En gros, la blockchain, c'est juste, en fait, un grand livre des comptes où sont inscrits l'ensemble des transactions effectuées. Et en fait, donc... comme son nom l'indique, la blockchain, c'est une suite de blocs. Et dans chaque bloc, tu trouves un nombre fini, en l'occurrence pour le Bitcoin, c'est 10 de mémoire, de transactions qui ont été effectuées. Ça permet en fait d'avoir un registre des transactions effectuées, et c'est un registre qui est anonyme et sécurisé. Voilà, parce que j'allais te dire, du coup, c'est plus anonyme si c'est enregistré. Il y a une grosse partie de cryptographie qui vient justement enregistrer, enfin participer à cet enregistrement. Ouais. Si Matt me fait mon virement, il sera enregistré dans un bloc, du coup. C'est ça. Ce qui sera enregistré dans un bloc, c'est dans que sa transaction sera... l'utilisateur Matt a envoyé 10 bitcoins à l'utilisateur Valentin tel non, jour à telle heure. 10 bitcoins, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, c'est vrai. Ouais. Il a envoyé 10 satoshis à Valentin. Puisqu'il faut savoir que le Bitcoin se découpe jusqu'à 8 décimales, donc 8 chiffres après la virgule, et qu'une décimale de Bitcoin, c'est un Satoshi, en référence au créateur inconnu Satoshi Nakamoto. Et donc du coup, ça fonctionne comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on arrive à la fin d'un bloc... D'un bloc, donc quand il y a 10 transactions... Quand il y a 10 transactions pour le Bitcoin, il faut en fait sceller ce bloc. Alors attends, juste pour le Bitcoin, en fait, c'est la transaction pour un même Bitcoin. C'est ça, non? Une transaction. Ouais. Voilà, oui, d'accord. Oui, mais comme tout le monde écrit des transactions dans son truc. D'accord, ouais. Ok. C'est ça. Donc c'est bon, j'avais bien compris alors. Très bien. Et une fois, et donc, pour le Bitcoin, cette action de sceller le Bitcoin, c'est donc un procédé cryptographique qui demande énormément de calculs aujourd'hui. Ça en demande en fait de plus en plus. Et c'est ça, le minage. Miner. Ça correspond en fait à sceller correctement un bloc. En fait, c'est tenir le livre des comptes du truc, quoi. C'est tenir le livre des comptes, mais de façon sécurisée. Ouais, okay. Et il y a une course en fait à l'algo pour justement être le premier parmi tous les mineurs et l'ensemble des participants au réseau de la blockchain à être celui qui va trouver l'algo qui permet de sceller le bloc, parce que le premier qui va le trouver, récupère un fragment de Bitcoin, qui sont injectés à ce moment-là. Ça a été établi comme ça par Satoshi Nakamoto. Pourquoi le code est dur à trouver? Parce que, alors là, après, on rentre dans des trucs techniques, mais en gros, il faut s'assurer, puisque quand tu viens inscrire une transaction, donc il y a déjà une petite cryptographie qui est faite, mais à la fin du bloc, si je le scelle, il faut que j'arrive à trouver la formule et la clé, notamment, qui va permettre de sceller ce bloc, de sorte à ce que, si quelqu'un vient après, ultérieurement, faire une modification dans ce bloc, eh ben, tout soit invalidé et que la modification ne soit pas possible. Parce que la clé ne correspondrait plus. Il y a le mec qui a fait la clé qui serait le seul détenteur de ce bloc-là. C'est ça le... En fait... La clé, c'est une opération en fait, qui permet de faire en sorte que si tu changes une des variables du bloc, ça marche plus. L'opération ne s'exécute plus. Ouais, c'est l'opération n'est pas possible. En fait, comment ça se passe? C'est qu'à partir du moment où tu as un bloc qui est prêt à valider, les mineurs, donc les différents éléments, les nœuds de la blockchain... Ben, rentre dans cette computation de validation, et à partir du moment où il y en a un qui l'a trouvé, il transmet en fait cette solution à l'ensemble des autres pour validation. Et à partir du moment où tu as un certain nombre de validations, c'est considéré comme étant OK, et donc là, le bloc est scellé. À partir de ce moment-là, on ne peut plus toucher à ce bloc. Parce qu'on a trouvé une clé qui permet d'avoir une solution valide par rapport à l'ensemble des transactions qui ont été inscrites à l'intérieur de ce bloc. Ce qui veut dire que si à partir de maintenant, on vient faire une modification au niveau du bloc, ça sera invalide et donc ça sera rejeté par le système. Et donc, ça n'est pas possible. Et donc, le mec qui a trouvé la clé, il gagne un Satoshi. Et il gagne un certain nombre de bitcoins, ouais. D'accord. Et c'est réputé, du coup, sécurisé. Alors, c'est pas inviolable, mais c'est réputé, du coup, sécurisé, puisque ça ne dépend pas d'une seule personne, mais bien d'un ensemble d'utilisateurs décentralisés et pas forcément ensemble. Après, ce que disait Valentin, aujourd'hui, on a de plus en plus de groupes de mineurs qui se rassemblent et qui forment des pools de façon à, ben, en fait, mutualiser... J'ai dit ça, moi ? Ah bon ? Ouais, mutualiser les puissances de calcul et pour pouvoir, en fait, miner plus rapidement. Et il faut savoir un truc, Oui, pardon, vas-y. Quel est l'intérêt pour quelqu'un de vouloir modifier un bloc, si c'est juste une des transactions? Bah, si c'est un historique de transactions, si t'as envie d'aller fausser la transaction ou de faire une double dépense pour une personne ou de rajouter des transactions vers toi, ce genre de truc, quoi, venir falsifier la fois où tu m'as donné 10 euros, je rajoute un zéro derrière, tu m'as donné 100 euros, quoi. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, techniquement, la seule possibilité que tu aurais de pouvoir invalider en fait un bloc, ça serait si tu as en ta possession plus de la moitié de la puissance de calcul de l'ensemble des mineurs. Puisque bah, du coup, si tu as plus de la moitié, tu vas forcément trouver une solution que toi tu jugeras valide. Ouais. Et comme tu représentes plus de la moitié, bah, elle sera validée. Et donc à partir de là, tu fausses le truc. C'est arrivé une fois. Ah, ça, j'ai compris. C'est arrivé une fois, il n'y a pas très très très longtemps, il y a eu un groupe qui a réussi à atteindre les plus de 51% de puissance de calcul. Donc c'est colossal. Aujourd'hui, ça représente une masse colossale de capacité de traitement. Mais le problème, c'est que les utilisateurs n'ont aucun intérêt à faire ça, puisque s'ils font ça, le Bitcoin va s'effondrer et perdra toute valeur. Ouais, puisque les gens l'utiliseront plus et donc du coup ça va se casser la gueule. Donc le groupe qui a réussi à atteindre ce seuil de 51%, en fait ils se sont retirés d'eux-mêmes et du coup il n'y a pas eu de... Donc ça rejoint ma question, pourquoi le faire? Alors effectivement tu peux falsifier les trucs, mais à partir du moment où on sait que ça peut être falsifié, bah oui c'est ça, ça s'effondre, donc il n'y a aucun intérêt à le faire. Non, mais Techniquement, c'est faisable. Mais effectivement, dans les faits, il n'y a aucun intérêt à le faire, puisque si tu le fais, ok, tu l'auras fait, ok, c'est une prouesse technique extraordinaire, mais tu auras fait effondrer le truc, quoi. Ok. Mais ouais, de toute façon, l'intérêt n'est pas là, puisqu'il faut juste sceller de manière le plus propre possible un bloc. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Exactement. Et donc, l'intérêt, c'est de faire de la transaction sans anonymiser, en fait. Sans anonymiser, sans intermédiaire de... de confiance ou en tout cas étatique. C'est de l'argent libre, quoi. Le Bitcoin, exactement. Le Bitcoin n'est assujetti à aucun gouvernement, à aucun cours boursier, à aucune société. Il est complètement excentré de tout ça. Et après, si j'étais Chris et que j'avais complètement foi en l'humanité, je dirais, c'est pour payer les terrorismes. Après, ça a été aussi utilisé pour ça dans un premier temps. Un petit peu moins maintenant. Aujourd'hui, on est beaucoup sur du trading parce que ça a littéralement explosé. En plus de ça, les terroristes en général, ouais, c'est ce qu'ils font. Ouais, en plus. Aujourd'hui, c'est devenu relativement facile, si tu veux, toi, lancer ta crypto-monnaie. C'est assez facile de le faire pour pas grand-chose en plus, puisque comme tu as besoin de te déclarer nulle part, je crois qu'en moins d'une heure, tu peux, toi, si tu veux, lancer la crypto-monnaie Estaminord, par exemple. Ouais, puis t'as forcément raison, puisque quand tu te lances tout seul, t'as forcément 51% de la puissance de calcul de ton réseau. Au départ, donc, oui. Après, tu t'appuies. Bien. C'est alors, quand tu lances une crypto-monnaie, tu t'appuies sur une blockchain déjà existante. Si tu veux, toi, lancer ta propre blockchain, c'est un peu plus costaud. Mais il est possible de venir, en gros, te greffer sur des blockchains à partir du moment où tu respectes les mêmes règles que celles établies par la blockchain sur laquelle tu viens t'appuyer. Tu peux venir rajouter, toi, tes règles en plus. Et du coup, ça fait ton token. C'est ce qu'on appelle un token dans les crypto-monnaies. C'est la différence entre une crypto-monnaie et un token. Un token, c'est une crypto-monnaie qui n'utilise pas sa propre blockchain. Mmh. Et j'en viens à un point... Je propose qu'on relance pas à la Valentin, parce que cette histoire-là, ça va nous faire saigner du nez. J'ai plein de questions, et je sais que je vais tout mélanger une fois le podcast fini, mais je trouve ça vachement... Ah non, mais je veux pas t'empêcher de poser des questions. Non, c'était pour dire le truc là... Tu peux lancer ta crypto-monnaie, mais pas ta blockchain, et tu peux miner une autre blockchain. Oui, ça, je te propose. Là, ouais. Là, laisse-le tranquille, là. Non, on est d'accord. On est d'accord. Là, après, ça... La crypto-monnaie, c'est effectivement révolutionnaire dans son fonctionnement et surtout dans les possibilités que ça offre. Mais la vraie révolution technologique, elle se situe au niveau de la blockchain parce que ça offre des possibilités de sécurisation. Puisque là, en l'occurrence, pour la crypto-monnaie, on vient stocker, on vient tenir un registre des transactions. Mais dans l'absolu, tu peux utiliser la blockchain pour stocker absolument tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est ça, hyper sécurisé. Et c'est effectivement, il y a aujourd'hui, au départ, il y a 10 ans maintenant, tout le monde disait, ouais, c'est de la merde, ça va tomber. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui commencent à y regarder d'un petit peu plus près parce que c'est quand même un potentiel technique et en plus de ça sécuritaire qui est non négligeable. Par exemple, c'est des données, donc ça peut être, c'est juste du texte, mettons. Oui. Donc je peux écrire une connerie, mettons que je sais où est Jésus, où on peut trouver Jésus. Dupont de Ligonnès sinon. Mieux Dupont de Ligonnès. J'ai ses coordonnées géographiques, mais pour différentes raisons, je ne veux pas le dévoiler et donc je veux avoir une trace pour moi, j'en sais, bref, on s'en fout. Je peux donc mettre ça dans la blockchain, mais quoi, j'achète quoi pour que ce soit inscrit dans la blockchain, comment je fais? Quelque chose sans acheter, sans que ce soit une transaction, en fait. Il faut que ça soit une autre blockchain que la blockchain du Bitcoin. Mais le système de la blockchain, j'y accède tel, comment, ouais. C'est une base de données décentralisée. Ouais. Mais après, dans l'absolu, dans cette base de données, tu y stockes ce que tu veux. Alors, il faut que ça soit à minima incrémental. C'est-à-dire que si tu viens juste stocker une info et qu'après il n'y a plus rien qui vient, ta blockchain, ouais, elle grandira jamais. Donc ça ne sera jamais qu'une blockchain, ça sera à la rigueur un bloc, mais pas plus. Mais à partir du moment où tu as plusieurs... Qui ne sera pas bien sécurisé du coup. Ça ne serait même pas vraiment une blockchain, ça serait juste une info que tu vas encrypter et que tu vas aller stocker dans une base. Mais à partir du moment où tu vas avoir de la récurrence d'informations, en l'occurrence pour la crypto-monnaie, des transactions, à partir du moment où tu vas venir les enregistrer les unes à la suite des autres, là, tu vas avoir de la donnée qui va s'amonceler. Et quand tu arrives à un montant donné, tu sécurises en recryptant l'ensemble de ce bloc-là avec un algorithme précis. Et je peux le faire, moi, simple quidam, facilement. Je veux mettre cette information-là, quitte à, effectivement, ce soit juste une information aux F. Bah, à ce moment-là, c'est que tu deviens un mineur, en fait. Comment je... Ouais, d'accord. Mais si je peux le faire... Enfin, là, je peux décider de le faire ce soir en 2-3 clics. D'accord. Ouais, bien sûr. Tu peux... Bon. Sur le... Alors, il y a un site... C'est clair. Je ne vois pas l'intérêt de faire. Je n'ai aucun plan, là, derrière la tête. C'est juste pour bien essayer de comprendre si c'est accessible à tout le monde, quoi. C'est Bitcoin... Je te défends bien vite, jeune pirate. Je crois que c'est bitcoin.org ou un truc comme ça. Mais effectivement, si tu as envie, toi, ce soir, de récupérer la base de données, enfin, en tout cas, le minimum exécutable de la base de données et rejoindre la blockchain et donc devenir mineur de Bitcoin, c'est tout à fait possible et c'est ouvert à tous. Les seules compétences techniques qu'il va falloir avoir, c'est au niveau de ta machine en fait. Avoir suffisamment sur ta machine. Je crois que la base de données Bitcoin, elle fait aux alentours des 250 gigas aujourd'hui. Et donc voilà, à partir du moment où tu as une machine qui est capable d'encaisser ça et une connexion internet, etc., pour pouvoir communiquer avec l'ensemble du système. Après, tu viens juste en fait rajouter un nœud en plus au système, qui est toi, mais tu rejoins la matrice après. Et tu fais partie de la matrice. Et du coup, à chaque fois que tu mines un bloc et que tu verrouilles une transaction, du coup, ça produit de la valeur, ouais. Mais tu dis que la valeur est limitée. Oui. Ouais, c'est quoi les 21 millions ? Comment tu... Pourquoi 21 millions de Bitcoin ? Parce que ça a été décidé comme ça par Satoshi Nakamoto au lancement du Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe à 21 millions ? On arrête de miner ? On passe à autre chose ? Ouais. C'est que la base de données va être trop grosse, en fait. C'est alors, ça je sais même pas. Alors, ça, honnêtement, je sais pas si c'est par rapport au volume de la base de données ou quoi. Mais t'as bossé ou quoi, Yanda ? Mais c'est, en fait, c'est, ça a été voulu et pensé comme un nombre fini. Donc, effectivement, arriver à ces 21 millions. Alors, après, on a le temps. Hein, parce que, selon les estimations, le dernier bloc de la blockchain de Bitcoin sera miné aux alentours de l'année 2140, je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'on est déjà à 18 millions. Ouais, c'est ça, moi je comprends pas. Parce ça a commencé, c'est de plus en ça a plus commencé dur. Il y avait personne il y a 20 ans. Ouais. Non. Le premier bloc, c'est de plus en plus compliqué le premier bloc qu'on appelle le bloc Genesis, qui a été miné par Satoshi Nakamoto. C'est classe. Avec Phil Collins. Non, mais attends, lui a rapporté c'est de plus en plus compliqué de miner. Ouais. Ah oui, d'accord, en fait. D'accord, ok. Tu produis de moins en moins de valeur à chaque fois que tu fermes un bloc. Tu produis de moins en moins de valeur et en plus de ça, c'est de plus en plus coûteux en termes d'énergie et de puissance de calcul. Puisque forcément, quand tu viens verrouiller un bloc, il faut s'assurer aussi que tu gardes la continuité de validation des blocs précédents. Alors moi j'ai une question, parce que j'ai bien écouté Yanda, et la question qui me vient c'est du coup en termes de pérennité, parce que tu dis que c'est du peer-to-peer, donc en imaginant que tous les gens qui participent à cette chaîne décident d'arrêter, genre si demain tout le monde décide d'arrêter, est-ce que ça disparaît, est-ce que du coup le Bitcoin s'effondre aussi, puisque du coup ça n'existe pas que parce que les gens décident de continuer à participer, si c'est demain tout le monde se barre, ça disparaît en c'est fait. Exactement ça. Ouais, d'accord. Ouais. Ça ne tient que par la loi de l'offre et de la demande et les utilisateurs. Ouais. Puisque enfin tout comme tout système financier ça fonctionne pour le coup, c'est pas non plus en termes de centralisation c'est différent, mais en termes de fonctionnement c'est un système spéculatif à peu de choses près. C'est exactement ça. Aux autres en fait. C'est exactement ça. Et du coup j'en venais à un truc, ça a donné naissance à plein de belles choses, et notamment pour revenir dans l'univers de la tech et du web, je ne sais pas si vous connaissez / utilisez le navigateur Brave. Est-ce que vous connaissez, mes chers amis ? Non, du tout. Eh bien, vous avez tort. Retroussez vos manches, je vous emmène dans un voyage formidable. Est-ce que t'as un lien sponsorisé pour choper ce navigateur ? Attends, il y a plein de trucs vachement bien à faire avec Brave. Donc Brave est tout excité là. Allez, ouais, de fou. Ouais, c'est parti. De fou parce que je me suis retenu de pas vous en parler dans la conversation pendant le truc. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir. En fait, Brave, c'est un navigateur qui a été créé par l'inventeur de JavaScript à l'époque et le fondateur de la fondation Mozilla, qui est parti depuis et qui a voulu lancer ce navigateur. Le navigateur Brave, déjà en termes de technique, c'est un navigateur qui s'appuie sur le moteur Chromium, c'est-à-dire le même moteur que le navigateur Chrome de Google. Le moteur Chromium, c'est un moteur open source. Hein, après, Google est venu mettre sa surcouche par-dessus. Brave a fait la même chose. Brave est venu s'appuyer sur le moteur Chromium et a rajouté sa surcouche. Sauf que Brave est un navigateur qui se veut respectueux de la vie privée et des données de ses utilisateurs. Pas comme Google, hein. Ouais, presque. c'est-à-dire que par défaut, Brave va bloquer en fait l'ensemble des trackers de navigation sur l'ensemble de tes sites. Et en plus de ça, il va t'afficher sur la page d'accueil le nombre de trackers qui sont bloqués. Forcément, comme il bloque l'ensemble des trackers, c'est un navigateur qui est plus rapide. Puisque, eh bien, spoiler, sachez que si vous ne le saviez pas, que l'ensemble des trackers publicitaires qui sont mis sur les différents sites ralentissent les chargements de vos pages, de vos sites préférés, et donc de votre navigation. Et en plus de ça, voilà, tu peux customiser tout un tas de choses. Et comme il s'appuie sur le même navigateur que Chrome, toutes les extensions que tu vas utiliser sur Chrome sont compatibles avec Brave. Brave est un excellent navigateur que je ne vous recommande que chaudement. Mais il faut savoir que Brave a lancé son token de crypto-monnaie qui s'appelle le BAT, le BAT pour Basic Attention Token. Et en fait, ce token, ou cette crypto-monnaie, on va faire simple, a pour but de financer la publicité au travers de ce site. Je m'explique. Lorsque vous installez votre navigateur Brave, vous avez possibilité de vous inscrire ou non, et d'activer en tout cas la fonctionnalité récompense de Brave, qui va venir, après que vous ayez paramétré un petit peu tout ça, vous proposer des publicités qui ont été sélectionnées par Brave. Donc mon frère utilise ce truc-là, du coup. Étant respectueuse de la vie privée. Ce ne sont pas des publicités qui apparaîtront sous la forme de pop-in dans le site ou de bannières ou autre. Elles vont être en fait intégrées par le navigateur. Donc ça va être des notifications du navigateur que vous pourrez afficher ou non. Et en revanche, ça replace l'utilisateur dans le maillon de la rémunération, puisque en fait, lorsque vous avez une publicité Brave qui est affichée, vous récupérez une partie d'argent sous forme de BAT. Et vous avez donc comme ça un portefeuille de crypto-monnaie, en l'occurrence de BAT, qui vient grandir tous les mois au fur et à mesure des publicités qui vous sont proposées par le navigateur Brave. Et tout l'intérêt du truc, c'est que vous pouvez après vous, derrière, avec ces BAT, alors soit les garder parce que vous avez, pour que ça soit joli, une correspondance en dollars et arriver au bout d'un moment, le rattacher à un portefeuille réel et du coup récupérer l'argent. Ou alors, vous avez la possibilité, via Brave, de mettre en place ce que l'on appelle des contributions automatiques, où vous allez sélectionner vos créateurs de contenu via YouTube, vos sites internet préférés fournisseurs de contenu, via Brave, et vous paramétrez que tous les mois, vous reversez X ou jusqu'à X BAT de votre cagnotte à ces personnes-là de votre liste de créateurs validés. Il y a Utip directement dans le navigateur, c'est exactement, formidable. Exactement, exactement. Et moi, je suis le truc, alors j'utilise Brave depuis un petit moment maintenant. Je suis passé depuis quelques temps en navigateur principal ordi et mobile. Et en plus de ça, j'ai ce système de récompense et je trouve ça vachement bien. Parce qu'en plus de ça, bon, les pubs sont relativement peu intrusives. Et en plus de ça, tu peux paramétrer le nombre de publicités maximales que tu reçois. Je crois que c'est par heure ou par jour. Donc, ça reste hyper gérable puisque tu choisis, toi, jusqu'à combien de publicités le navigateur peut t'afficher. Et en plus de ça, derrière, tu peux du coup utiliser cette cagnotte, entre guillemets, que tu récupères pour la redistribuer à des gens que tu suis, à des sites que tu as envie de soutenir, sans que ça ne te coûte, en termes d'argent, pas le moindre centime. Et ça te demande juste en fait, de naviguer. Ouais. Sur tes sites. Ouais. Si tu vois une pub qui t'intéresse, à ce moment-là, voilà, c'est coup double. Mais par contre, tu le fais via un navigateur qui est soucieux de ta vie privée et de tes données. Donc, aucune. En fait, les publicités, c'est des publicités qui sont validées par Brave. Ce ne sont pas des publicités qui te sont affichées qui sont ciblées. Parce que c'est toi. Voilà. Ouais. Et parce tu vois quand même les pubs des sites. Sur tel site. Comment ? Tu vois quand même les pubs des sites ? Ouais. En fait, tu as. Alors, c'est super. C'est un attends, c'est un navigateur. Du coup, t'as encore plus de pubs qu'avant. Non. C'est pas au niveau du navigateur. C'est tu as une petite notification en fait. Non, mais j'ai bien compris. Je suis sur le site et je vois à quoi ça ressemble. Voilà. Mais enfin, ça veut juste dire que non seulement les sites internet que je visite d'habitude me proposent les pubs qui non, me. Non. Parce que t'as un bloqueur intégré à Brave. Et donc, il y a plein de trucs qui marchent pas quand t'as un bloqueur de pub. Il y a plein de moments où tu peux pas naviguer sur tel site, il faut que tu désactives ton bloqueur de pub parce que ça marche pas. Alors, c'est un bloqueur de tracker, c'est pas un bloqueur de pub. Donc, tu vois les pubs des sites. Ça donc dépend. Tu vois non seulement les pubs que les sites affichent dans leurs articles, mais en plus, le navigateur te file ses propres pubs. Il te file des notifications. C'est moins intrusif. Enfin, moi, je trouve que c'est moins intuitif. Yonda, c'est le genre de mec qui est en train de t'expliquer que non, mais les 4x3 en LED dans ta ville, les écrans, c'est pas des vrais 4x3, donc c'est, techniquement, si. C'est pas de la pub. Non, mais c'est... non. Mais ce que je veux... C'est que, enfin, les pubs éligibles au programme récompense de Brave, c'est en fait, ce sont des notifications surtout. C'est des pubs, quand tu reçois la notif, tu dis « Ah ouais, ça a l'air cool, je clique sur la notif. » Et là, ça va t'afficher dans un onglet dissocié, vraiment la page de pub 100%. Mais sinon, ça ne reste jamais qu'une notif. Tu cliques sur « Fermer », la notif disparaît et terminée. Et tu cumules quand même malgré tout du BAT. Ok. Non, mais en tout cas, le concept est intéressant dans le sens où ça explore quelque chose qu'on, pour l'instant, on a... Enfin, moi, j'avais jamais vu ailleurs, pour l'instant, en tout cas. C'est le seul navigateur à faire ça, ouais. Ouais, et c'est assez intéressant parce que, ouais, enfin, c'est vrai qu'on voit de plus en plus différentes façons de, comment dire, de monétiser son temps sur Internet, tu vois. Enfin, il y a tout ce côté-là. Pendant longtemps, on créait tous du contenu gratos, puis on se rend compte qu'en fait, on créait du contenu gratos pour des plateformes comme YouTube ou Google, qui en fait gagnent du pognon sur le contenu gratos que tu produis, et que bah, finalement, il n'y a pas de raison que ça soit en tant que créateur ou même consommateur de ce contenu, tu puisses pas rentabiliser ton temps, quoi. Donc, bah c'est ça, parce que même en tant que consommateur ou utilisateur d'Internet, tu vois, sur Chrome, tu vas avoir des pubs qui vont être proposées parce que bah t'as navigué sur tel site, sauf que du coup c'est des publicités qui sont jugées pertinentes par le navigateur. C'est pour ça qu'on propose beaucoup de pubs pour des gones Michel, du coup. Voilà. Okay. Mais après derrière, si toi tu vas engendrer, enfin si ces publicités là vont engendrer des achats de ta part, bah tu n'auras pas de remise particulière dessus, tu ne retires aucun bénéfice, alors que bah t'as quand même pourtant un rôle central dans ce procédé. C'est vrai que souvent, c'est utilisé par Google, par exemple. Exactement. Et ce qui est rigolo, tu vois, c'est que bah, lorsqu'ils ont organisé une levée de fonds, pour revenir sur des termes de crypto-monnaie, ce qu'on appelle une levée de fonds dans la crypto-monnaie, c'est un ICO, Initial Coin Offering, qui est en fait une levée de fonds où en fait, on te propose bah, de venir injecter du vrai oseille pour récupérer un X montant, en l'occurrence ici, de BAT, que tu auras donc dès le départ, et puis bah, si ça marche, forcément, tu feras une plus-value dessus. Lorsqu'ils ont lancé donc cet ICO pour le Basic Attention Token de Brave, ils ont levé 15 millions de dollars en 30 secondes. Donc voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est assez rapide. Donc c'est les mecs ont vu le potentiel du truc et donc voilà. Et c'est je trouve une utilisation hyper maligne, innovante et intéressante d'une crypto-monnaie dans des usages courants divers et variés. Et Brave, alors... là, donc c'est dispo sur mobile aussi, genre sur Android, ouais. Du coup. Ouais, ouais. Okay. C'est disponible sur l'ensemble des plateformes, mobile, ordinateur, et c'est un navigateur qui marche très bien. Est-ce que ça marche sur Bebop? Parce que moi, je voudrais mettre ça sur mon Bebop. Alors, il doit y avoir une version, ouais, puisque je pense qu'ils ont fait une version compatible avec le web aussi. Donc, du coup, ça doit pouvoir marcher. Super. Putain, les enfers, dans le bon vieux temps, quand j'utilisais Mappy sur web... On se perdait, hein, ça marchait pas. L'enfer total. Et du coup, parce que moi, en fait, je connais pas mes mots de passe. J'ai tout enregistré dans Chrome, donc c'est Chrome qui connaît tous mes mots de passe. Putain, est-ce que je peux. J'aime pas les gens qui font ça, c'est pas bien, Matt. Parce que je les connais pas, du coup, comment je peux changer de navigateur? Je suis prisonnier aujourd'hui. Voilà pourquoi. Eh ben, j'ai envie de dire. Cherche. Voilà. Autant les mots de passe, ça passe, autant c'est pour les contacts que c'est l'enfer. T'as tous tes contacts dans ton carnet synchronisés sur Android et du coup, tu peux pas passer à autre chose, quoi. Ouais. Mais non, moi, les mots de passe, j'en enregistre, mais seulement pour des trucs random, tu vois, des sites... Enfin, je veux dire, si je vais sur un forum de musique ou un truc comme ça, je vais avoir un compte, je vais enregistrer, mais il n'y a rien de top secret, tu vois, dans ce genre de truc. Après, pour tous mes comptes réseaux sociaux, etc., là, j'enregistre pas mes mots de passe sur les sites, mais... Moi non plus. Je suis pas le genre de mec à faire une connerie pareille. Et du coup, je pense que bah, ce podcast, alors au-delà de, d'être une bonne publicité pour Brave, nous ne sommes pas sponsorisés par Brave d'ailleurs au sein de ce podcast. Pas encore. Mais ça pourrait être cool de, bah, du coup, créer, parce qu'il faut que les créateurs de contenu divers et variés se fassent connaître auprès de Brave pour activer en fait la fonctionnalité de contribution par les visiteurs. Donc, il n'est pas impossible, chères auditrices et chers auditeurs, que d'ici quelques jours ou quelques semaines, vous puissiez, en tant qu'utilisateur de Brave, vous rendre sur le site internet estaminord.fr et réaliser une contribution de BAT de votre choix afin de soutenir le podcast. Et sachez que, au nom de toute la sacro-sainte communauté, nous vous en remercions et nous vous en sommes bien gris. Voilà. C'est beau, donner des sous. Bah oui, on en a besoin. Sinon, on n'a rien à dire. Sinon, on fait des podcasts d'1h40. Donc, ouais. Il faut payer. Il faut payer les scripts. Il faut payer les auteurs. Il faut payer tout ça, évidemment. J'ai le cerveau en bouillie. Ouais, mais j'ai mal au crâne aussi, là. Est-ce que vous avez d'autres questions encore sur la crypto-monnaie? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été. Est-ce que je vous ai confusé encore plus? Tu as été le plus clair possible. Mais c'est pas pour autant que je vais bien savoir redire ce que tu m'as dit demain. Mais c'est super intéressant. Je réécouterai le podcast. C'est peut-être le seul podcast que je vais réécouter, tu vois. Pour bien comprendre. Ah, il y a deux, trois épisodes sont bien. Tu devrais. Il y a eu des trucs sympas. Oui, c'est un peu plus clair. Mais c'est abstrait quand même, quoi. C'est abstrait et vaste, quoi. Il y a beaucoup de trucs. Ça reste peut-être abstrait parce que vous n'y voyez pas. Parce qu'on est trop con, dis-le. Non, mais parce que vous n'y voyez pas l'utilité première. Tout simplement. En fait, c'est à partir du moment où tu ne trouves pas d'intérêt à un truc, tu vas forcément te dire bah, pourquoi le faire, quoi. Mais là, on n'a pas du tout parlé de l'intérêt, on a parlé de la techno qui permet de le faire. Oui, l'argent, moi, je trouve de l'intérêt quand tu veux. Moi, un truc qui produit de la valeur, c'est pareil. J'arrive assez bien à voir comment ça marche. Mais tu as quand même un truc open source qui est écrit dans une base de données open source, donc tout est open. Mm-hmm. Et ça, ce genre de truc, y a des gens qui veulent l'acheter et donc qui te donne de l'argent réel pour ce truc là quoi. C'est quantifié en argent réel, quoi. Parce que bah, ça reste malgré tout c'est de la transaction, ouais. Donc il y a un moment il faut que tu aies une échelle de valeur. Exactement. Mais après c'est pareil, tu vois, cette échelle de valeur on l'a parce que c'est l'échelle de valeur la plus ancienne et celle sur laquelle notre système actuel repose, parce que défini par les différentes banques, la banque centrale, etc. Mais tu vas avoir sur les différentes plateformes de trading ou de je ne sais pas comment ça s'appelle, de crypto-monnaie, ton solde de Bitcoin, ben, tu ne vas pas avoir forcément que sa correspondance en euros, mais tu vas avoir par exemple sa correspondance en Ether, sa correspondance en Litecoin, etc., etc. Après, quand tu rentres dans le jeu de, enfin en tout cas le trading de crypto-monnaies, tu retrouves des conversions et des valeurs de change, comme si tu regardais entre l'euro et le dollar et le yen, etc., etc. quoi. Yanda, quand tu parles comme ça, on dirait que t'es de droite. Bienvenue sur BFM Business. Écoute, il faut bien que j'arrive à rentabiliser parce que la défiscalisation, au bout d'un moment, moi, j'en peux plus. Tu vois, je suis ras la gueule de résidence. Je veux dire, la loi Pinel, la loi Malraux, la location professionnelle non meublée arrive un moment, moi, j'en peux plus. Donc, toi, l'optimisation, ça te connaît. Hein. Ouais, l'optimisation fiscale. D'ailleurs, rien de tel qu'un bon canapé pour optimiser ses revenus. Tu l'aurais vu danser à la fête de la musique, il était déchaîné. Il était déchaîné. Et je n'avais pas de masque, c'est important. Sacré Patrus. Mais voilà, après c'est une innovation et une alternative au système monétaire actuel, mais ça repose effectivement sur tout un tas de choses, et notamment les gens qui l'utilisent. Si effectivement demain plus personne n'utilise de Bitcoin, ça ne vaudra plus rien. Mais de la même façon que si c'est exactement ce que tu disais, Chris. Mmh. Si demain on décide que notre billet de 10 euros, en fait c'est juste un bout de papier et que ça vaut plus rien. C'est la base de tout système monétaire. Après, c'est immatériel, toutes les crypto-monnaies, c'est immatériel, donc ça. Oui, c'est le côté intangible, moi, que je trouve toujours un peu étonnant. C'est compliqué. Ouais, mais aussi, regarde, dans la vraie vie, aujourd'hui, ton argent que tu gagnes, ton salaire, il est. Enfin, moi, je veux dire, je gagne de l'argent, il est à 90% intangible, mon salaire. À part le peu de... Je vais peut-être retirer 20-30 balles au distributeur. Tout le reste, je fais genre des cartes bleues, des virements, des prélèvements automatiques. Moi, j'appelle ma banque. Sous 10 jours, je peux récupérer l'intégralité de mon argent. Enfin, c'est super. Hein. Je le fous sous mon matelas. Genre, si t'as envie de te faire dérober ton argent sous ton matelas, c'est ton droit. Mais, Non, mais c'est la valeur vis-à-vis de services ou d'objets qui... C'est pour... c'est une comment c'est un intermédiaire au troc en fait c'est ça donc c'est par rapport à un objet ou une nourriture coûte tant et c'est comme ça que tu définis ce que vaut l'argent quoi. On est conditionné à avoir foi aussi dans notre système monétaire, bancaire, etc. Donc on se dit que ça peut pas ne plus rien valoir. Mais pourtant, t'as des exemples. Enfin, je veux dire, en 2008, après la crise aux États-Unis ou même en Grèce, en Europe, enfin, t'as des pays où ça s'est vraiment effondré, le mot est peut-être un peu fort, mais où les gens se sont trouvés ruinés parce que t'as eu des grosses descentes boursières, tu vois. Bah, pas si loin. Nos grands-parents, ils parlent en ancien franc. Non, mais. Bah oui. Oui, non mais tu vois, je veux dire, il y a plein de trucs. C'est parce qu'on n'est pas forcément rodé à ça et que le système fait qu'on n'a pas forcément envie d'en sortir pour des tas de raisons. Mais c'est comme ceux qui lancent des monnaies locales, quoi. Je veux dire, quand tu vas dans certaines régions, les mecs ont lancé une monnaie locale où tu peux payer en je sais pas quoi chez ton boulanger et que lui va faire la monnaie. Ouais, voilà. Non, mais ça existe, quoi. Je crois qu'en plus, le sesterce existe. Enfin, en tant que monnaie locale, je crois que oui. Ah bah, le sesterce, ça a sûrement existé. Je sais pas si ça a été réutilisé en... Je crois que si, justement. En monnaie locale. J'ai vu ça quelque part, mais... Bref. Et en tout cas, t'as plein d'exemples comme ça où, après, on n'en ferait pas forcément un système principal parce que ça génère aussi des complexités effectivement de transfert, de rapport de valeur, etc. Puisqu'en plus, là, on est sur du 100% dématérialisé. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Moi, j'y connaissais rien du tout, pour être franc. J'y connais toujours pas grand-chose. Mais c'est la preuve que, bah, tu vois, t'as toujours des choses que tu peux approfondir et essayer au moins de comprendre comment ça fonctionne, même si derrière tu deviens pas trader, mais il se passe plein de trucs et on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et moi je dis on devrait plus s'intéresser à ce qui se passe et qu'on sait pas. Voilà. Ah non, mais c'est complexe. Moi ça m'a beaucoup intéressé et c'est aussi pour ça qu'on avait mis le sujet. Nous fait pas passer pour des vieux cons archaïques. C'est aussi pour ça qu'on a mis le sujet sur la table. C'est quand même un et vieux con archaïque, mais enfin bon. C'est le dernier podcast. Vous savez que ce podcast, j'ai 39 ans au moment où on en parle et quand vous l'écouterez, j'aurai 40 berges. Je suis en train de faire ma transition. Non mais je suis moi-même en train d'utiliser Brave dans des contextes safe. Je suis en train de surfer sur Facebook avec, tu vois, histoire de bien le en termes de tracker, histoire d'être. Non mais oui. Tu peux voir le nombre de trackers qui bloquent par rapport à la fenêtre où tu es. Et plus Oui, il y a une petite tête de lion qui te dit. Je crois que c'est ça. Il te dit le nombre de trackers qu'il a bloqué sur Facebook. C'est assez impressionnant. Mais j'avais un autre truc qui bloquait les trackers justement, qui était une extension. Du coup, je l'ai refoutu aussi dessus et je vois si elle réagit. Du coup, si elle ne réagit pas, c'est que Brave bloquait bien en amont les trackers. Comme ça, je surteste la nouveauté. Bravo. Je challenge le produit. Mais le Bitcoin en fait répond principalement à la problématique de enlever ce tiers de confiance, quel qu'il soit, pour valider des transactions et pour permettre des transactions entre deux personnes. C'est la principale, il y en a d'autres, mais c'est la principale innovation apportée par les crypto-monnaies. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir une banque ou d'avoir un organisme et uniquement un seul organisme auprès duquel tu vas voir en disant « Ah, mais je voudrais donner tant d'argent à monsieur un tel ». Là, tu le fais directement à partir du moment où la Est-ce personne... Tu parles vraiment comme ça quand tu vas à la banque, Yonda? Oui, bonjour, oui, je voudrais faire un virement. Oui, parce que ma banquière m'impressionne et me fait peur. Alors quand son masque est trop serré, donc ça le pince au nez, en fait. Ouais, c'est aussi ça, c'est vrai. Du coup, en fait, c'est le choix de savoir si t'as plus confiance en ta banque ou plus confiance en des gens que tu connais pas qui sont anonymes. C'est un peu et ça, du coup, ouais. C'est un peu ça. En fait, c'est 50-50, puisque j'aurais pas plus confiance en ma banque, d'ailleurs, qu'en des gens que je connais pas, une fois réflexion faite. Mais en fait, je comprends aussi qu'il y ait des gens qui puissent être effrayés. Enfin, tu vois, comme on parle de nos grands-parents, justement, qui ont même déjà pas confiance en leur banque. Donc forcément, te dire qu'oula, ça part sur Internet et qu'il n'y a plus d'argent physique que tu pourras jamais le toucher, je comprends aussi que ça puisse être une barrière infranchissable pour certains, mais en tout cas c'est assez intéressant comme approche, et ça remet même en question ce que peut être l'argent en fait et la valeur des choses. Enfin tu vois, c'est parce que tout ça est quand même assez surfait quand tu réfléchis bien. C'est-à-dire la valeur de l'argent, en fait nous pauvres mortels dans notre quotidien on n'y pense pas, mais ça s'appuie sur des trucs qui sont complètement what the fuck quoi en fait. Si on remet ça à l'échelle des premiers mecs qui ont fait du troc en échangeant tu vois genre une gamelle en argile contre un os de mammouth quoi. Allô? Oui. Ah d'accord, ah, ok. Oui. J'ai cru que ça avait coupé. C'était abrupt. Ah oui. Mais d'accord. Non, j'ai arrêté ma réflexion, j'ai dit voilà. Ce blanc est formidable, faut le laisser. Il était parfait là. Tout le monde va croire, merde, mon ordi a planté. Non, c'est juste Chris, il a arrêté de parler, c'est tout. Voilà, donc j'avais plus rien à dire. Je dis effectivement, je trouvais que par rapport au troc. Enfin, après, moi je suis pas économiste, tu vois, mais pour ce que j'en avais compris, il me semblait que la valeur était indexée sur une sorte de volume d'or qu'on aurait quelque part dans un fort, mais tu te rends compte que quand il y a le coronavirus et qu'on est tous bloqués chez nous, là d'un seul coup on n'a plus besoin d'or et que on peut imprimer du cash, il n'y a pas de problème quoi. Bah parce que et la banque centrale a autorisé. Je comprends plus. L'impression oui, donc cash. Elle fait ce qu'elle veut. Oui, ce qu'elle veut. Moi je vais appeler la banque centrale, si elle veut bien me prêter 200 000 pour que je rachète ma maison sans la rembourser à la banque, ce serait cool, tu vois. C'est ça, faut que tu les rembourses après, c'est ça le souci. Mais non, imprime-moi les papiers, pourquoi faudrait que je les rembourse? Puisque là elle est capable de produire du cash, produis-moi 200 000, c'est rien pour toi. Petite banque centrale, t'es dubitatif, Valentin. C'est que du papier sur lequel on imprime des trucs. Ah. Je l'ai vu dans un documentaire là sur une Casa de Papel, ça avait l'air bien. Hein. On peut fabriquer du cash. Voilà, il nous manque une bonne anecdote de vomi pour finir et on sera parfait. J'étais en train de réfléchir justement là, si j'avais des trucs récemment, mais je passe pas mon temps à dégueuler ou à chier partout, donc là j'ai rien là, sous le coude. Ah, il y a juste un truc, pardon. Pour clôturer quand même de façon propre et correcte. Oh non, ça suffit maintenant. Ah on parle caca maintenant, c'est bon. Notre discussion sur la crypto-monnaie, si jamais notre discussion vous a donné envie d'aller y regarder, comme on dit dans le Berry, faites ça quand même on avec prudence. Berry, on dit en Berry, en Berry. Non. Comme on dit en Berry. Non, n'importe quoi. Vas-y, attends, si tu parles berrichon, on parle vraiment berrichon. Ah, mais je sais pas, moi je suis pas allé y regarder, donc je sais pas. Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange à yaourt? Oh Mais en tout cas, on est beaucoup sur les crypto-monnaies et principalement sur des notions de trading. Et donc, on a souvent tendance à voir le gain d'argent. Ça n'est pas que ça, et loin s'en faut. Donc, on est sur des choses où on est sur des, pas des jeux d'argent, mais des risques de perte d'argent. Donc, quels que soient vos achats de crypto-monnaies que vous essayez de faire pour essayer de faire fructifier un portefeuille, rester raisonnable et la meilleure des approches que vous puissiez avoir, c'est n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est important d'avoir ça en tête à partir du moment où vous commencez à vouloir jouer un petit peu avec les crypto-monnaies. Partez du principe que l'argent que vous mettez, c'est de l'argent qui est perdu. Et donc si vous pouvez le faire, faites-le, c'est très bien. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ne partez pas en mode « je vais rentabiliser, c'est sûr » parce que rien n'est sûr justement du fait que ça fonctionne, ça s'appuie sur l'offre de la loi et de la demande. Et surtout, n'investissez dedans que l'argent que vous n'étiez pas prêt à donner à l'estaminaire. Exactement. Eh oui. Exactement. D'abord l'estaminaire et ensuite le reste. C'est important. Merci la communauté, merci la vie. Chris, ça va, t'as passé une bonne émission ? Bah écoute, ça va jusqu'à cette histoire de mammouth là où je sais pas, il y a eu un problème, je comprends pas. Chris était très à l'écoute, je crois. Ouais. Sur la fin. Bah oui, non mais moi je suis voilà quoi, je veux dire, j'écoute Yanda qui nous explique des trucs super intéressants. Je suis pas comme vous qui coupez toutes les 5 minutes pour lui poser des questions. Des vannes de merde. J'écoute Monsieur Yanda m'expliquer des choses. Voilà, ouais. J'ai appris des choses et je suis très content. Voilà, donc ça s'est bien passé, oui. Ouais. Attendez, je fais un peu de bruit avec mon micro, comme d'habitude. Hop, voilà. Très bien. Est-ce que l'un d'entre vous se ronge les ongles de pied? Qu'est-ce que c'est que non, ça? Non, je suis désolé. Non, j'ai compris pourquoi, moi, il dit ça, mais... Généralement, c'est le genre de truc qui lance un quiz dans l'émission, mais là, apparemment, c'est fini, donc non. Mais c'est dommage. Le quiz tardif. Non, je cherche, mais là, j'ai rien à... Non, j'ai pas d'anecdote un peu crado. Et là, t'imagines les gens qui écoutent ça, ils disent « Oh, quel dommage, ouais, on n'a pas droit à une histoire dégueulasse aujourd'hui, c'est dommage !» J'enlève une étoile. Non, ne le faites pas. Malheureux. Oh merde, j'étais tellement sûr qu'ils allaient parler de vomi ou de caca encore ouais, ce c'est soir, cool. Non. Bon, on peut pas chier toutes les semaines non plus. Ah si, si, alors par contre un truc qui j'enregistrais tout à l'heure, donc je travaille sur cette magnifique série, n'est-ce pas, que vous verrez peut-être un jour, qui s'appelle Ocus. Donc il et voilà, de... le mec en profite pour faire sa pub, un petit, il a vu qu'on voilà, avait rien à dire, il dit tiens, je vais placer un petit peu ma pub. Donc l'idée étant de faire des détournements, on prend un film et on change les voix et tout ça, et en fait j'enregistrais avec mon pote Vianney. Qui a eu la bonne idée à un moment? Il est pas là, non. Il est pas là? Il est où? Pas là? Il est où? Il est pas là? Il est où? Il est pas là? Il est où? Il est pas là? Et du coup, non, il a eu la bonne idée de un moment où Al Pacino faisait une parce espèce... que vous étiez aussi avec Al Pacino. Et ouais, il était là aussi. Il faisait une moue bizarre à l'écran et il a eu l'idée. Attends, je vais lui faire un glaire. Et en fait, c'est un plan qui dure très longtemps et il a fait un truc immonde dans mon casque où il reniflait, il renaclait sa gorge de manière absolument immonde et j'ai commencé à avoir eu envie de vomir, ce qui m'étonnait parce que je suis pas forcément sensible à ce genre de truc là, mais alors là, c'était particulièrement insoutenable. Oui, trop. Voilà. Et en fait, là, ce qui me fait un peu flipper, c'est que je vais devoir mixer ce passage là et repasser en boucle dessus pour que ce soit un peu clean, quoi. Et j'appréhende un peu du coup parce que j'étais pas très très bien. Dans mon fauteuil. On a beaucoup ri, mais j'étais un peu pas loin de rendre mon déjeuner. Voilà, c'était la petite anecdote vomi, glaire. J'ai une sorte de simili anecdote. Ça tourne autour du caca, mais c'est le caca de mes chats, donc c'est pas non plus. Ah bah, en fait, il gratte dans une jardinière en particulier pour crotter dans un endroit en particulier de cette jardinière, et du coup, exaspéré, j'ai cherché sur internet des solutions pour empêcher les chats d'aller crotter dans les jardinières. Spoiler, oui, il n'y en a pas. Mais j'ai quand même trouvé que l'homme est un inventeur formidable, puisque j'ai trouvé des herses pour chats. Vous voyez une herse, wow, le tapis de clous que tu jettes c'est sur la horrible. Route pour crever les roues des bagnoles qui passent. Oui, les mecs vendent pour 7 balles des sortes de herses, donc c'est des tapis de clous que tu mets autour de tes jardinières pour empêcher tes chats de marcher autour et de venir crotter dedans. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a inventé ce truc-là. Et qu'il c'est la comme un veto, ça existe pour les pigeons sur les bâtiments publics, quoi. Ouais. Mais c'est un veto. J'étais en galère de clientèle, il s'est dit attends, il faut que de faire revenir les gens. T'es tranquille avec ton gamin sur ta terrasse, il joue au ballon, il tombe, il s'empale sur l'herse pour chat. Peut-être la première sur la herse. Allez hop. La herse. Mais laissons les chats faire caca tranquille, c'est pas possible ça. Laissons la nature suivre son cours. Attends, il y a des jardins partout autour, moi ça me dérange pas qu'ils fassent caca dehors les chats, mais. Pas dans le truc où j'ai mis du putain de tomates là. Mais c'est l'engrais, c'est très sain, c'est très bien. Si tu me sers des tomates chez toi, j'éviterai de les manger du coup. Ouais, les tomates cerises, elles sont pas safe là. J'en prends bonne note. Voilà, bah ça sera l'occasion de goûter tout ça pour ma soirée d'anniversaire. Voilà, à dans je une dizaine de jours. La surboom, d'anniversaire de Matt. Super. Ça va être sympa. Il y aura Chris. Ah bon? Ouais, puis c'est tout. D'accord. Ouais, parce que visiblement vous avez autre chose à foutre. Je dois gagner de l'argent, je dois miner moi ce jour-là, donc du coup. C'est pas grave, on aura l'occasion de parler d'os de mammouth et tout ça, tu verras, ça sera super intéressant. On réécoutera au ralenti le truc de Mister Yonder en prenant des notes avec Chris pour voir si on a bien compris. Voilà. Et vous mettrez en place, votre token de crypto-monnaie sans nous et vous vous ferez des millions. Complètement. Et vous rirez de nous depuis votre tour d'ivoire. C'était super, merci. Hein. Je suis fatigué là, ça m'a crevé. Le Yonda Show, ça m'a fatigué. Merci. Je propose qu'on rebaptise cette émission. Effectivement, l'Esterminerd, c'est un peu trop générique. Eh ben, écoutez, comme prévu, cet épisode était moins bon que celui le précédent. Oh, tu es dur. Non, il était. Mais, il était très mais bien. Mais notre prochain épisode sera un épisode anniversaire. Ce sera le 10e vrai épisode de l'Esterminerd et nous aurons un guest, un invité de qualité. Ah bon? Vous un ne savez une, pas qui c'est, et une, même, lui, sait pas. Même lui, Michel Delpech. Même lui ne sait pas qu'il est invité. Mais je suis en train de me dire, on pourrait avoir des. Franchement, je vais rappeler Gotenner. Si on est encore bien, on peut avoir Gotenner dans les Staminaires, ça va être super. Et voilà. Ça serait énorme. Mais même lui ne sait pas qu'il va être invité à cet 10e épisode de notre podcast, Les Staminaires. Une chose est sûre, vous le connaissez. Une chose est sûre, nous le connaissons, nous aussi. Et une chose est sûre, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À bientôt. Ah ouais, bah du coup, j'ai pas envie qu'on finisse là-dessus, donc bonne soirée à vous, à bientôt. Non mais le mec fait ce qu'il veut, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, des bisous tout le monde, ciao ciao, bonne nuit ou bonne journée. Et merci la communauté, merci la vie. Le soutien, c'est important, n'oubliez pas. Les liens d'affiliation, toujours, bien sûr. Hein, le Utip, le BAT avec Brave, maintenant que vous savez ce que c'est. Merci, pensez à nous, pensez à nos vacances, le soleil, la plage, les cocktails. Les putes. Parce que les staminaires, le tenancier nous fait des factures violentes. Hein. Et les putes et la gueudreau aussi, accessoirement, merci. Salut!